Non. Non. Les roses là, chelou. Lesquelles roses? J'ai bouffé une tête de. Une tête de quoi? Je sais pas, de cacatoès ou un truc comme ça. Ouais, sympa. Mmh. Rose. En plus. Un peu dans ce style là. Bah, j'ai pas. Paupiéric. Très bien. Est-ce qu'on. On y va? Mais bien sûr. Après ce faux départ. Tout à fait. Et ce long blanc. Ah ouais, c'est quand j'ai dit que c'était une. Ouais, quand t'as dit des choses pas très sympas sur quelqu'un. Ouais. Donc on est parti. Bah ouais. Eh bien, c'est la rentrée. Bonne année. Bonne année à toi. Ouais, bonne année à tous. Bonsoir et bonne année à tous. Bonsoir à tous et bonne année. Voilà, tu fais beaucoup mieux que moi. C'est l'épisode 12 de cette saison 2 de Road to Hellfest et on revient plus fort que jamais avec. Une grosse fatigue. Ouais, mais. En fait, on avait très envie de reprendre, mais beaucoup de mal à s'y remettre. Voilà. Et heureusement, c'est un peu de ma faute. Voilà. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Ouais. Voilà. Très bien. Le mec assume au moins. Non, bah, totalement. Donc, oui, bah, on aurait dû revenir la semaine dernière, mais on s'est pas compris. Je sais, je vous ai manqué. Il y a, voilà. Y a eu des. En fait, le problème, c'est que Bob avait pas remarqué que c'était déjà ce jour-là qui était arrivé. C'est ça. Et ça arrive. Ça passe tellement vite. C'est ça. Alors, du coup, faut-tu nous excuser, il y a un paquet de bonbons qui s'est pointé. Donc, ouais, c'est pour la bonne année. Il était là. Hein. C'est pour la bonne année. Donc, on ne fait pas. Voilà. Ce ne sera pas une habitude à prendre, on essaiera d'éviter. On gardera la bière, parce que bon. Bah, la bière, on l'entend pas, donc elle se fait discrète. Et puis, bon, bah, faut quand même garder un moteur, quoi. Bah, c'est ça. Dans le carburant. Un moteur dans le carburant. Effectivement, t'es fatigué. Et tu l'as dit aussi. Non, non, mais je répétais ce que tu venais de dire. Ouais. D'accord, très bien. Voilà, donc ça c'est l'intro. Ah oui, as-tu passé des bonnes vacances? Courtes. Mais ouais. Comme le chanteur de Nirvana. C'est ça. Courte manche. Ouh, 2018 commence très fort. Ouais, Bon, je vais reformuler autrement. As-tu passé une bonne semaine? Ça a été. Une bonne longue semaine. Bah du coup, oui. Depuis la dernière fois. Trois semaines. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ça a été. Ouais, bon après, tu sais, il y a du taf, hein. Quatre marmots. C'est clair. Une femme. Oui. C'est pas facile tout ça. C'est ça. Je me demande comment t'arrives à trouver l'énergie de te lever le matin. Quoi. Bah, je me lève pas le matin en fait. C'est pour ça. Non, je rampe. C'est bien, c'est une bonne base. Jusqu'aux toilettes déjà. Eh ben, c'est cool. Et j'ai reçu pas mal de messages de soutien et d'inquiétude. Des nouvelles de ta voiture? Alors, ne vous inquiétez pas. Enfin, si, inquiétez-vous en fait. Parce qu'on sait toujours pas ce qu'elle a. Oh, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant. Hein. Bah oui. En plus, ça doit plus être sous garantie quoi. Bah non, forcément, depuis 2007. C'est obligé. Ah ouais. Enfin, voilà, alors, si ça peut te rassurer, ou plutôt. Non, pas te rassurer, ça peut te permettre de. Je peux partager un peu cette peine avec toi, car la semaine dernière, j'ai été à. Dans une boutique et en sortant du parking, ma voiture a légèrement tapé le sol. Je ne sais pas comment. Il devait y avoir un trou devant la sortie et donc ça a fait un décalage. Et depuis, je dois avoir percé mon pot. Oh merde! Ouais, et j'ai quelque chose qui doit frotter parce que quand j'accélère, ça fait un bruit très très chelou. T'as un V8 sous le moteur? Exactement. Cool. Tu peux la première Clio de compétition de 97, ça. Modèle Oasis. Une Williams en fait. Quoi. Enfin voilà pour. On a tous les deux des problèmes de voiture. Fait mécanique aussi. Mais la mienne roule encore hein, pour l'instant. Hein. Non, mais non, c'était pas. C'est ça, ouais. Très bien. Attends, je ne pouvais pas après. Donc, au programme de ce podcast, hein, on va appeler ça comme ça. Tout à fait. Une petite partie news Hellfest, une partie news autre. Pas Hellfest. Et les chroniques habituelles. Oh, petit, alors, qu'est-ce qui m'arrive se passe donc avec les groupes donc vous avez pu voir en vidéo sur la page, c'est un petit truc qu'on a testé. Hein, si ça vous plaît ou pas, bah comme vous le dites pas, de toute manière on continuera. Hein. Voilà. Donc, mais ça peut permettre à ceux qui suivent vraiment d'avoir une petite idée des groupes avant de les entendre. Enfin, tout à fait. Avant d'entendre notre retour. Ça met un visage sur un nom. Exactement. Bien sûr, comme on a eu le temps des vacances, on a eu le temps de bien préparer nos news et de bien bosser. Et on a énormément de choses à dire. Et surtout, c'est tellement bien tourné. Et j'ai beaucoup, beaucoup de blagues. Oula. Oui, ça c'est. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que comme j'arrive toujours pas à dire ce que je veux dire sur les groupes en soi, à part des trucs bateaux, genre ouais, ça déboîte, ouais, il y a de l'énergie et tout ça, bah je cherche des blagues ailleurs en fait. Donc, d'accord. Voilà. Donc, je compte m'améliorer. Hein. Je veux dire, c'est voilà. Ah non, mais il faut s'entraîner pour s'améliorer. Alors, on va commencer par la... C'est son côté sim. Je l'ai pas. Alors, Party News du Hellfest. Bon, bah, pas grand-chose, hein, on va pas vous mentir. Hein. Maintenant qu'ils nous ont donné l'affiche, on est peinards jusqu'à... 2019. Au moins. Mais il y a quand même eu deux news qui sont sorties. Enfin, trois si on en compte, une du Hellfest Cult, mais je l'ai pas noté. Donc, parce que c'est pas encore maintenant, donc j'en reparlerai quand ça sera un peu plus proche. Il y aura le prix Hellfest Inferno, qui est un prix créé en janvier 2017 par le Festival de Musique Metal de Clisson et la maison d'édition Brajlon. C'est un prix, un prix de littérature qui sert à récompenser un ouvrage donc de la maison Brajlon spécialisé dans la littérature de l'imaginaire. Donc il y a déjà 6 nominés. On peut tous aller voter en ligne pour choisir notre préféré. A savoir que les informations à disposition... Pour connaître les nominés, c'est une petite page de présentation et un extrait. Pour les gens qui participent et qui votent, on peut gagner un potentiel passe 3 jours, voire même d'autres goodies et pourquoi pas même des livres. Ouh. Et oui, quand on peut mêler des choses à d'autres. C'est ça. Et c'est vrai que cette année, en 2017, sur le au niveau de l'extrême market, il y avait un rayon... littérature. Ouais, où il y avait des livres et tout ça. Enfin, c'est peut-être pas la première année, mais en tout cas, c'était lié à ça parce que j'avais vu le bouquin qui était soit qui avait gagné l'édition 2017. D'accord. Ouais, tout ça. Donc voilà, si ça t'intéresse d'aller voter, tu le peux. Je suis pas un mec du vote, moi. Non, mais là, c'est pour un livre. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de président, vous. Non, je suis plus un mec du dictat. Ouais, tu peux. Ouais, non, pas loin. Deuxième news, le 27 janvier. Le Hellfest sera au magasin Cultura Bègle près de Bordeaux et non près de Lille. C'est vrai, Bègle. Voilà. Donc pour des annonces inédites et des surprises. Comme la Miss France. Là. Oui, exactement. Valérie, si tu nous écoutes, tu seras tagué, bien sûr. Donc des annonces inédites et des surprises donc du Hellfest. Un showcase de Dacha Mandala, du Heavy Blues psychédélique. Carrément. Ouais. Et une dédicace de Francis Zégut, à savoir la grosse barbichette. J'ai eu peur. Comme je l'appelle moi-même. Et encore une fois, des passes 3 jours à gagner. Voilà. C'est dégueulasse que tu fasses ce bonbon, je suis obligé de le signaler. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les deux grosses news. Hein. C'est pour l'instant très calme. Mmh. Énorme. Voilà. Voilà. C'est moi de en news d'Elfest, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Voilà. T'as des trucs, toi ? Non. Cool. Alors, on va passer aux autres débuts. Non. Mais non. Eh ben non. Et non, on va parce qu'il n'y en a qu'un début. Voilà. On va passer. Il peut pas y en avoir plusieurs. Bah, il y en a eu deux cette fois, ce soir. Mais ouais. On va passer à l'autre partie news. Donc, tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses, my apologies, comme les personnes anglo-saxonnes, américano, à tendance pas française pourraient le dire. Voilà, c'est ça. À savoir que. De l'autre manche. Oui, je me suis trompé. Peut-être pas la. Ah, t'as fini en rond. Ouais, ouais. Donc, il n'y avait pas 10 ni 11 groupes dans le top 25 de Loudwire, mais seulement 5 à l'édition 2018 du Hellfest. Ouais, voilà. Je suis désolé. Bravo. J'ai tenté. Ah non, mais c'est bien, il faut tenter des choses. J'y ai cru jusqu'au bout, mais. Voilà. Sinon, des petites news en vrac. Oh bah vas-y. Alors en fait, ça marche pas, je crois, les jingles. Non, bon, c'est pas grave. Mais c'est bien comme ça, alors. Judas Priest, grosse tête d'affiche de cette édition 2018, a sorti une nouvelle chanson pour le futur album Firepower. La chanson, je l'ai déjà oubliée, alors que je l'ai faite écouter à Bob, il n'y a pas... Alors, Lightning Strike, l'album sortira donc en mars. Donc je suppose que nous aurons la chance de découvrir plein de nouveaux morceaux dans l'édition 2018. Surtout que c'est le groupe de tête d'affiche. Donc je dirais que c'est un bon single de Judas Priest. Ni plus ni moins, parce que j'ai pas forcément ce groupe en affection particulière. Toi, Bob ? Disons que pas mieux. Le single est sympa, quoi. Oui, voilà, non, mais c'est propre, quoi. Y a pas... Par contre, j'étais plus hypé par le single de Saxon que j'avais fait écouter la dernière fois. Oui, tout à fait. Même si la voix, toi, te posait. Ah, tu disais. Ah, mais c'est toujours ça, ouais, le souci, la voix. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, c'est toujours bien d'avoir un groupe qui arrive quand même avec un nouvel album. C'est vrai. On est toujours là. Clutch, tes amis, hey, entre en studio. Voilà. Bienvenue. Non, c'est pas notre studio. Ah, c'est pas notre non, studio. Non, non, ils vont refaire un album. D'accord. Ouais. Cool. Bonne nouvelle. Voilà. Alors, très coup, bonne nouvelle. Tu vois, je me posais la question. C'est pas facile, en fait, de donner des news, parce que qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en réfère qu'au groupe de cette édition, ou des groupes de l'édition passée, ou que les groupes qu'on veut ? Parce que c'est un peu, tu vois, comment être exhaustif ? Bah après, c'est un peu compliqué, c'est qu'on ne connaît pas tous les groupes. Bah c'est pour ça. Mais là, par exemple, après, Clutch, ils étaient là en 2017, mais ils sont pas là en 2018, mais ils rentrent en studio. Le dire, pas le dire, tu vois ? Oh, bon, on peut le dire. C'est pas la peine genre de rester 2-3 minutes dessus. Quand non, mais voilà, c'est ça. D'accord. Tu sais, Clutch entre en studio pour un futur album. Et les gens en font ce qu'ils veulent. Voilà. Prenez l'info comme vous voulez. Et non, mais du coup, regarde, je vais rebondir quand même. En grand spécialiste de Clutch, Bob, à quand remonte le dernier album ? Studio, j'entends. L'album studio qui était, si je me trompe pas, Physical Warfare, et qui doit avoir maintenant, je dirais, 2 ans. Oh, ça va, ça reste encore correct. Si je ne me trompe pas. C'est très bien, merci beaucoup. Selon mes sources. Bullet for My Valentine, qui est l'un de tes groupes de ce soir. Oh là petit là coquin, là là là. A terminé l'enregistrement de son 6e album, le successeur de Venom est sûrement prévu pour 2018. Quand je recopie mes news, je devrais modifier parce que est sûrement prévu pour 2018, c'est nul. Mm. Moi, j'annonce. Il est prévu pour 2018. Voilà, faut un peu. Voilà, faut être couillu. Exactement. Alors, je vais parler d'un groupe. Un groupe nostalgique. Mm. Toto va sortir un Greatest Hit qui s'intitulera 40 Trips Around the Sun, ou 40 Trips Autour du Soleil, qui est plutôt pas mal. Prévu pour le 9 février. Ça dépend combien de temps. Ouais, c'est un best-of donc qui sortira pour célébrer les 40 ans de hit du groupe, mais qui contiendra quand même donc 3 nouveaux morceaux, dont le morceau Spanish Sea et Alone, les deux sont déjà écoutables en ligne, et Spanish Sea, Spanish Sea, voilà, comme la mer. La mer espagnole, voilà, que j'ai fait écouter à Bob en lui disant, regarde, tiens voir, ça va te rappeler toutes les années 90. 80, ouais. Ouais. Toutes les années 80 et tout ça, et tu m'as dit quoi ? Grave. Ouais. J'ai un film qui est... Ouais, non, mais il paraîtrait-il un accident. Il y a des petites influences d'Africa au début, puis il y a une espèce de truc, ça fait vraiment penser à... On a l'impression... Faut imaginer, en fait, notre enfance. Ouais, faut imaginer, c'est un film des années 80 où il y a un montage avec une musique, c'est dedans, il y a un montage pour faire... Et là, t'as ça. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est un morceau qui est très sympa, voilà, pour voir comme ça, mais... Ça reste Toto, quoi. Pas voilà. Vous attendez pas... C'est Spanish 6, ça. Oui. Tu vas le faire écouter, c'est ça ? Tu vas la réécouter Non, non, pas du tout. Non, c'est pour les... Pour les gens qui... Nos chers auditeurs. Oh, ne m'en parle pas. Mmh. J'avais le top vente de décembre. Est-ce qu'on se le fait ? Est-ce qu'on se le fait pas ? Si tu veux. Bon, bah... Vas-y. Faut que je relance le lien. Vas-y, te prends pas la tête. D'accord. Bah, je vais le faire en parallèle quand t'auras une news à dire. Ouais, t'as des news à le dire à toi en plus ? Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais tu dis pas. Oh là là là là. Bonsoir. Bonsoir. Mmh. Je devrais toujours couper les trucs. Bah ouais, ce serait pas mal. Oh, et on a le droit d'avoir des bips. C'est vrai. Merde, c'est pas ça. Quelle nouille. Mais t'as même pas pris tes trucs pour meubler. Bah non, parce qu'en fait, la table a été nettoyée et Tout est propre, tout est nickel. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'était très sympa ce podcast. Tu devrais en faire plus d'une fois par an. Tu vois ? Ah, moi j'ai beaucoup apprécié. Une fois et demie. Tu t'arrêtes au milieu ? Là, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Ouais, pas mal. Eh ben écoute, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Surtout Joe, qui était complètement... Bah, il croyait pas. Ah ouais, ouais. Non, moi, je l'ai réécouté vite fait. C'est un moment, vous avez pris de la drogue ou quoi ? Mais pas du tout. Bah non, mais c'est... C'est vrai qu'il manque un peu d'ouverture sur le dinosaure. Ouais, mais c'est ça. T'as ou pas ? Parce que autant sinon, pour moi. Je meuble, hein, on est... Vas-y, meuble. Hein. D'accord. Alors. C'est la rentrée, désolé. Totalement. Alors, In Flame va organiser son propre festival. Ah ouais ? Dans un château en Suède. D'ailleurs, oui, je tenais à revenir là-dessus. C'est des news. Là, c'est quelques news de nos confrères de chez Radio Metal. venir, sachant que mes sources sont soit Wikipédia, soit Radio Métal. Mais je préfère le signaler pour pas dire, hey, c'est mes sources, je suis très fort. Non, voilà, je les ai prises là. Donc, In Flames va donc faire un dans le château de Borgholm sur l'île suédoise de Åland, intitulé Borgholmbrinner. Il sera organisé les 27 et 28 juillet 2018. Voilà, et bien sûr, In Flames jouera chaque soir en tête d'affiche et sera accompagné par d'autres groupes. Il y a une petite photo du château, je sais pas si tu vois. Ah, mais c'est chouette. Ah, mais ça a l'air super stylé. Hein. Moi, c'est dommage parce que bah, j'avais pas prévu d'aller en Suède. Bah ouais. Mais je trouve ça cool, c'est les mecs qui disent ouais, on fait un festoche. Ouais, voilà. Voilà. Ah, et là, Carnet Noir, Tristesse, oh. Oui. Je sais pas si tu as vu, mais les Conquérants Metal Fest, il y aura pas d'édition en 2018 parce qu'ils y sont de leur poche en fait. Ah ouais ? Ouais. Bien. Donc pas de troisième édition. Troisième, non, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, c'est ça. Troisième, si ? Non, troisième. Ouais, ouais, dommage. Voilà. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un super truc. Quoi. Ouais, et puis une bonne initiative. Voilà, donc bah. On espère qu'ils reviendront en 2019 plus fort ! C'est ça. Du conquérant. Voilà. Alors, ta news, tu l'as reperdu ou... Ah ouais, non. Oh bah, c'est pas une news qui voilà. Hein. Ouais. C'est quoi ? Je prends le... Oui, fais-nous rêvette. Ah, je vais vous faire rêver. Donc, si vous avez attends. 45 millions... Ah ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Je viens d'avoir 45 000 millions. Que puis-je... 45 000 dollars. Que puis-je m'offrir ? Eh bien, écoute, je peux te proposer... Si que tu as un plan sympa. Mais ouais. Le 1995 Eagle 45, c'est le tourbus de Vinnie Paul qui est à vendre pour 45 000 dollars. La vraie question, c'est là, il est rangé où ? Bah, là, il est garé ici, sur une place de parking. D'accord. Voilà. Tu crois qu'il est vraiment là ? Ah, bah, il est là. C'est chiant, t'imagines la taille du garage ? Bah, ouais. Puis surtout chez toi, oui, c'est vrai. Bah, moi, je peux pas. Ou alors tu casses ta cuisine. Ouais. On chiotte ta cuisine. Ouais, mais je m'arrange pour que ça tombe pile poil sur les chiottes du tourbus. Pas con. Tu fais une ouverture directement. Ouais, pas con. Non, bah attends. Ouverture de chiottes. Pas mal. Mais ça se passe comment ? C'est quand même, tu peux boire une bière avec Vinny ou pas ? Ah bah après, je sais pas si c'est lui qui se charge du truc. Hein. Ah, quand même. Enfin, bah c'est ça. C'est possible en même temps. C'est pas. C'est, mais c'est ils ont pas... un chauffeur. Hein. Ah bon ? Bah bien sûr. Non, mais il est pas compris. C'est pas Vinny Paul qui va. Ah bah c'est le chauffeur est compris dedans. Bien sûr, c'est bien connu. Stylé. Ouais. Bonjour. Il dort dans la soute. Et il mange pas beaucoup. Il voit une terrine forestière par semaine. Incroyable. Suffit à le nourrir. Ah, par semaine, ça va, oui. Ah ouais. Non, ouais. Mais sympa, cool. Ouais. C'est un des frères Silver. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi j'aime ça. Bah, ça m'aurait bien tenté. Vraiment. Ouais, non, mais. Non, mais j'ai pas prévu de faire une tournée pour l'instant. Donc... Ouais, c'est. Bah ouais. Bah les. Ouais, c'est vrai que les pathétiques sont pas formés encore. Non, puis ils auraient peut-être pas besoin d'un aussi grand truc. Ah, bon, c'est bien. Ça peut être sympa. Ah, ça peut être sympa. Ah, bah écoute, c'est attends. Clair. Non, c'est une piste pour le footing du matin. C'est vrai que t'as un terrain de hand. Oui. Parce que j'adore le hand. Mais alors que t'en fais jamais ? Non, mais j'adore quand même. Oui, mais t'as... Ça n'empêche que je. T'aimes en faire ou t'aimes le regarder ? Je préfère en faire. Je suis pas le mec qui regarde du sport. Non. Mais t'es pas le mec en fait non plus, donc ça qui est bien. Non plus. Et puis je suis pas trop fan de hand. En plus. En plus. Pour c'est dire, dommage. J'en ai rien à secouer en fait. Ah oh, et voilà, ça y va devenir désagréable. Oh non, mais c'est scandaleux. Ah. Et bah écoute, merci pour cette news. Ouais, bah après voilà. Bah tu me retiens au courant. Si alors a... ouais, par contre, si je peux me permettre, c'est pas de donner quand même. Faut dire que c'est pas un petit bus hein, non plus. Hein. Non, mais ouais. C'est cher. C'est cher. Mais bon, j'ai vu des bus plus petits que ça et plus chers que ça. Et ils appartenaient pas à Vinnie Paul. À Vinnie Paul. Ah bah écoute, je m'y connais pas trop en Argus de bus. De ah bah bus. Écoute, va voir chez... tu m'en diras des anciennes. Sur le bon coin ? Oui, par exemple. Bah je vais sur le bon coin. Ah. Bah j'y vais pas, bah, on finit le podcast d'abord. Ouais, bien sûr. Très. Le webzine French Metal a sorti sa nouvelle compile. Donc je suppose qu'il y en a eu d'autres avant. À savoir La Soif du Savoir avec 2 CD et 40 groupes dedans. Je trouve que c'est plutôt stylé. Ouais. Dedans, en plus, il y a nos amis de chez Génome et leur morceau Rédemption. Tout à fait. Donc du coup, French Metal, on serait assez curieux de pouvoir chroniquer bah, ce double album. Mmh. Donc si jamais il y a moyen de gratter un scud. Pour être clair. Je veux bien faire genre... Ouais, non, mais on en parlera avec plaisir. En tout cas, je trouve que c'est vachement bien. Et quoi qu'il arrive, j'essaierai d'entrer au moins en contact avec vous pour, bah justement, pour faire la promotion plus en avant de cette démarche que je trouve vraiment stylée. Je crois que le CD est à vendre à 8 euros, je crois. Ah ouais? Je crois, ouais. Ça va. Ouais, je vérifierai mes sources. Mmh. En parlant de Génome, bah désolé les mecs, on a oublié de refaire votre promotion. Donc ils étaient en concert samedi dernier. Ah ouais. À savoir le 8, je crois. Non, pas le 8, le 6. 6, 7, 8, le ouais, 8 c'est ça. Mercredi, ouais. Le 10. Ouais, donc à Rouen. Alors Nico nous a pas dit s'il y avait, alors qu'il avait dit que peut-être il y aurait machin. Pas de news. Pas de news. Ouais. À part qu'apparemment il aime bien Carpenter Brut. Et voilà, et Jessica 93. Voilà. Ça te vaudra deux bières. Et pas les petites, laisse-moi te le dire. La pinte. Parce que là, Carpenter Brut, là. Avec un fond de picon. Non. Pour ma part. Il y en a au 106 du picon. Je sais pas. Ouais, bah t'as intérêt à amener le tien. Voilà, c'est ça. Ouais, non, Carpenter Brut, non, vraiment, non. En plus, enfin, non. C'est même pas ça. C'est, oui, à limite, t'as le droit d'aimer. Ah bah tout à fait, oui, bien sûr. Mais de là à dire, ouais, le fait, c'est cool. Attention, Nico. Attention. Attention, je dirais. Parce que là, jusqu'à présent... On sent le truc qui va pas aboutir. C'est vrai. Pas aller jusqu'à non, mais je vais pas y aller. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Les lecteurs de Metal Hammer, célèbre magazine allemand, ont élu le top 10 des albums de 2017. Donc on retrouve un petit peu souvent les mêmes... l'album que dans les autres top 10. D'ailleurs, ça a un rapport avec Hammer, la boîte de production. De film ? Ouais. Des années 30 ? Ouais. Je pense pas. Non, je vois. Metal Hammer. Bah non, je pense que c'est parce que c'est un marteau ouais, de non, métal. Ouais, ouais. Non, c'était... Non, mais c'est intéressant. C'était la petite pause ciné. Eh ben écoute, tu le notes, tu vas te renseigner, comme bah, ça tu, voilà, tu vas nous refaire l'historique de cinéma Hammer. Toi. Voilà. Célèbre dans les années 30 pour la création de monstres. Voilà, c'est ça. Donc, dans le top 10... je vous fais quoi, un 10 à 1 ou un 1 à 10 ? Fais de 5 à 10 et de 5 à 1. Alors, numéro 5, The Great Discord avec The Rabbit Hole. Je n'ai pas écouté cet album. Et toi, Bob ? Non plus. Très bien. En numéro 6, Marilyn Manson avec Heaven Upside Down. J'ai écouté cet album, on en a déjà largement parlé. Moi non plus. Numéro 7, Creator avec God of Violence. Moi non plus. C'est pas mal. While She Sleep en numéro 8 avec You Are We. On les a vus, concert. Et c'était vachement bien. Ouais. Le temps bien. Numéro 9, Arch Enemy avec Will to Power que j'ai écouté. Il y a du Catherine Lara, je vous le rappelle. Oui, c'est vrai. En numéro 10, Power Trip avec Nightmare Logic. Ça, j'en ai parlé aussi. Maintenant, de 5 à 1. Donc, en 5, toujours The Great Discord. Hein. En numéro 4, Mercure avec Mareryd que je ne connais pas. En numéro 3, Code Orange avec Forever. J'en ai déjà parlé, j'ai pas trop aimé, mais je voudrais réécouter en fait. D'ailleurs, j'ai appris via la vidéo de Two Guys One TV qu'en fait Code Orange avant ça s'appelait Code Orange Kid parce que c'est un groupe qui a démarré très jeune, ils étaient jeunes et maintenant qu'ils sont adultes, ils sont transformés en Code Orange. Je trouvais ça sympa comme petite histoire. En numéro 2, Trivium avec The Sins and the Sentence. Bon, rien à dire. Et en numéro 1, Mastodon avec Emperor of Sand. Plutôt un bon top 10, je trouve. Bon top 5. Plutôt un bon top 2. Du 5. Un bon top 2. Bon top 2. Un bon top 2. Je dirais un bon top 1 même. Non, bon, pas. Alors, news suivante. Est-ce que t'as une news sous la main ? Il a rien gardé parce qu'il fait. Ah, oh, mais non, mais oui, mais non, mais tu t'enchaînes pas. C'est un métier, mec. Eh ouais, je sais. Ah. Ah oui, nous t'écoutons. Alors, j'arrive pas trop à savoir. Ah, bah, donc, il paraîtrait-il. Tu pifes. Hein. Donc, vous mettrez un bandeau noir à votre bras gauche hein, pour la journée de demain. Non, c'était quand ? C'était le 9 janvier, donc c'était aujourd'hui. Et je ne l'ai pas mis. Ou si, je l'ai perdu. Bah si, il est là. Et donc voilà, le guitariste hein, de Baby Metal, Mikio Fujioka, est décédé hier, du coup, hein, à l'âge de 36 ans. Apparemment, non. D'une chute. Non. Non, pas du tout. Ah oui. Non, ils l'ont annoncé hier, mais il n'est pas mort hier. Ah oui, non, je sais. T'as dit il est mort hier. Il est mort hier, ah ouais, d'accord. Non, bah non, oui, ils l'ont annoncé avant-hier du coup. Non, ça remonte genre la semaine dernière, je crois. Ah ouais, donc c'est du passé. Bon, bah, c'est bon. Non, mais en fait, ce qui est con, c'est qu'il est un peu mort. Il est tombé d'un truc, quoi. Ouais, bêtement, ouais. Ouais, ça c'est horrible. En plus, il était avec sa famille et tout. C'est atroce. Ah bah ouais. Et puis toi, t'en reparles comme ça, quand même. Tu remets le couteau dans la plaie, c'est sympa. Mais non, mais j'imagine l'horreur, toi. Le mec, il est avec ses deux gamines et tout. Puis, ah et gamines, mais tu sais de quoi il est tombé? Mais oui, d'une espèce de truc, un monument en hauteur où tu regardes de loin, quoi. Ah ouais. Ah, donc, il est pas mort de la chute, mais c'est quand ils l'ont transféré à l'hôpital, il est mort à l'hôpital. Oh la loose. Ah ouais, putain, j'en ai une merde. Ah, c'est clair. Tout va bien, ouais. Et puis d'un seul coup, tout s'arrête. Tout va pas bien. Tout va pas bien. Oula, bah. Alors vif, enchaînons. Donc voilà, est-ce qu'il avait 36 ans? Ouais, on s'est pas trompé là-dessus. Ah, il avait 36 ans? Je sais pas, ouais, apparemment. Très bien. Donc oui, non, mais en fait, c'est parce que j'ai lu. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 36 ans. Donc c'est pour ça, c'est parce que j'ai lu la phrase. C'est aussi fort ça. Que moi. C'est pour ça qu'il faut les recopier un peu, les news. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, bon. Dagobah, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une petite news de Dagobah. Toujours une news de chez nos frères. Bon, j'ai arrêté confrère, maintenant c'est frère de Radio Metal. Le guitariste Richard Rich de Mello rejoint Dagobah. Voilà. Rich. Donc, ils remercient JL du Croisé qui va voguer vers d'autres aventures et lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets musicaux. C'est beau. Comme quoi, Dagobah, hein, ça bouge beaucoup. Hein, voilà. Ouais. Une autre petite news? Je l'ai deux fois. Alors ouais, bah j'ai une petite découverte en fait. Oh, musicale? Ouais. Cool. C'est The Legend of the Seagullmen. Donc après j'ai pas trop accroché, plus que ça. Mais non, j'ai écouté que deux morceaux. J'ai pas trop accroché, mais ça reste à écouter. Intéressant. Ce que je veux dire, bah moi sinon j'ai écouté le dernier Nomad, je l'ai pas trouvé bien non plus. Mais non, c'est pas dans le sens, c'est pas du tout dans le sens. Mais, non, c'est bien. Mais c'est, voilà, c'est à écouter. D'accord. Et à approfondir. Quel style que c'est, Tess? Ça me fait penser pas mal quand même. On ressent la patte Mastodon. Après tout, je connais pas. Très très bien, je connais forcément plus Mastodon. Ah oui, non, mais attends, d'accord. En fait, c'est le super groupe dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais. Oui, bah donc faut que tu expliques. Oui, alors le guitariste, je n'ai plus son nom, je l'avais dans la tête. Donc le guitariste tatoué à la tronche là de Mastodon. Ouais, donc Game of Thrones. Bah en fait, ils ont joué, il y a Bran Taylor. Ça va, mais c'est pour dire. Ah voilà, pour situer. Mais en fait, ils étaient trois de Mastodon à jouer dans Game of Thrones. Tant que ça aide pas. Bon, et le chanteur de Tool. Ménard. Qui donc va bientôt sortir un album avec A Perfect Circle et un album de Tool aussi l'année prochaine. Voilà. Enfin, cette année, pardon. Du coup, ça, ils ont sorti un album, ces gens-là? Je ne crois pas qu'ils... Si, je crois qu'ils ont sorti un album. J'ai dû voir une pochette blanche avec tout à fait dans l'esprit de la mer, justement, que tu parlais tout à l'heure. Comment s'appelle-t-il que je... Legend of the Seagullmen. Ok, je vais le noter, comme ça on aura... je le mettrai sur la page... Avec en le disant, titre The c'est... Deep Sea Diver. C'est The Deep que t'as écouté toi? Ouais. Ok, alors attends, je le note. Donc tu m'as dit The Legend of The Seagullmen. Of The Seagullmen, d'accord. Et le titre? The Deep. The Deep, très bien. J'essaierai de mettre ça sur la page demain. Comme recommandation de ta part. Ah, tout à fait. C'est important, il faut en parler. Autre news, le motoculteur. Donc la semaine dernière, j'avais 5 groupes annoncés qui ont été annoncés pour mes vacances, mais grâce à Bob, on passe à 10. Merci Bob. Merci. À savoir Sepultura, Neseria, Rendez-vous, Art Attack. Et t'as pas coupé. Ah oui, c'est vrai. C'est cool. Bah ouais. Peut-être tu m'y as pas fait penser. Mais j'y ai pas fait penser non plus. Non. Faisons-le quand même. Mais on va le faire quand même. Ça évitera de... Alors pour les gens, c'est la rentrée, hein, d'accord, on essaye. Donc c'était juste la chaudière qu'on n'a pas coupée. Voilà, désolé. On s'excuse. Donc Art Attack, Céleste, Ministry, Alstorm, Municipal Waste, Toxic Holocaust et nos copains presque de Tagada Jones. Cette affiche commence vraiment à. Très vomite aussi. Non, mais ça, dans les 10 nouveaux groupes. Dans les 10 nouveaux groupes. Ultra Vomit, ils en sont depuis le début. Hein. Oh, bah oui, bien sûr. C'était même les 5, ils faisaient partie des 5 premiers. Tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce que t'en penses de ces nouveaux noms, toi? Bah, moi, je trouve ça plutôt que. Dis donc, quand même. Hein? Je trouve qu'elles sont plutôt bon, cette petite affiche. Est-ce que quelque part, ça te donnerait envie d'aller au motoculteur? Ah, bah, moi, c'est. Ouais, c'est presque prévu. Ouais. Je suis à deux doigts, ouais, de prévoir le truc. Le mec me balance des trucs en direct. Ah, d'accord, très bien. À deux doigts. Bah, moi, toi, t'es à... t'as une phalange. T'es à quatre phalanges. T'es à quatre phalanges d'enfant d'une. ouais, bah, moi, c'est toujours compliqué, c'est la mauvaise date, mais sinon. Bah, moi, justement, ce serait la bonne date, donc c'est pour ça. T'as raison, ramène-toi à toi. Alors, c'est ça. Une news peut-être, Bob. Alors, moi, j'ai l'Extreme Fest. Ah, j'ai loupé ce truc-là. High Voltage Festival. Donc, le 2, jour de ma fête, 3, 4 et 5 août 2018. Tu vois, sur 4 jours, on y vient. On y vient, tout passe. 4 découvertes Albi Carmo en France. Oh. Donc, la première annonce, Ed Breed, Melancholine, Dead Kennedys, Converge, Comeback Kid, Municipal West, Bad Cop, Insanity Alert, Get the Shot. Non, mais normalement, Extreme Fest, c'est pas que des groupes de grindcore. Bah non, tu vois. Ah bah non, bon, ou je confonds avec un autre truc, mais ah bah ça, elle est sympa aussi cette affiche. Bah elle est pas mal. Hein. Moi j'aime bien aussi. Ouais, puis je suis content parce que maintenant je connais les groupes. Bah oui. Hey, cool. Ah ouais, d'accord, non, mais bah, elle est pas mal. Ah, là-dedans, il y a que Bad Cop que je ne connais pas et Get the Shot. Pareillement. Je crois. Mais ouais, c'est pas mal. Mm-mm. And more coming soon. Oh, on aime tellement les coming soon. Ah. Non. Alors, petite news sur Jonathan Davis, le chanteur de Korn. Il va sortir un album solo en 2018, hein, comme prévu, hein, enfin comme suspecté par le fait de sa venue au Hellfest. C'est un album qu'il a commencé à composer en 2008. Donc ça aura pris 10 ans, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il l'a fait avec un ami à lui, qui était l'ancien tour guitariste de Korn, mais est membre donc parce qu'en fait, à la base, c'est un projet solo, un projet de Jonathan Davis et de ce mec-là. Donc ça s'appelait Jonathan Davis and the Simply Fucking Amazing. Mais le mec était le tour guitariste et est décédé depuis. Donc il a plus ou moins laissé ça de côté. En tout cas, ça a duré assez longtemps pour, voilà, 10 ans plus tard, l'album est terminé. Normalement, il devrait sortir cette année. Ce qui explique sa venue au Hellfest. Non, à voir ce que ça va être comme album. Je suis moyen impatient. Et d'ailleurs, ouais. Il est sorti, j'avais complètement zappé d'en parler, mais l'album de Fildi est sorti depuis. Ah oui. Et je l'ai écouté. C'est de la merde. C'est de la, clairement, voilà. Mais en même temps, je me suis dit, bah, il s'est fait plaisir. Mais je n'y ai trouvé aucun intérêt, vraiment. Mais bon, qui sommes-nous? Qui a le droit? Vas-y. C'est ça. Alors, pareil, petite news festival. Oh. Mais ce coup-ci, si vous êtes le 14 juillet en Hollande, plus précisément à Eindhoven, il y a un petit festival, plutôt sympathique, hein, ma foi. C'est un petit festival parce que apparemment c'est sur une journée. Donc le 14 juillet 2018, le Dynamo Metal Fest, avec en tête d'affiche Ghost, Ministry, Sons of Apollo, Overkill, Annihilator, Leprous, I'm Morbid et Avoc. Plutôt une petite affiche sympathique. Pas mal. Tout ça pour la modique somme de 25 euros. Oh bah... La journée. C'est correct. Il y a du bon groupe, ça va. Bah ouais. 25 euros, des fois, c'est le prix qu'on paye pour aller voir des... Ah, des trucs... Des sous-genres. Qui sont pas jolis. Ouais, voilà. Exactement. Hein, que les parents, ils feraient bien des fois de... Quand même. Ah, de surveiller tout ça un petit peu plus voilà, près. Voilà. Très très bien. Perfect Circle a sorti un nouveau titre le premier de l'an, à savoir Disillusioned, un titre qui sera donc qui fait office de second single avant la sortie de le nouvel album. Le premier extrait The Doom m'avait pas du tout emballé. Celui-là m'a plus plu parce que je retrouve vraiment les influences de Perfect Circle. Par contre, le côté rock, un peu metal, pas trop. C'est plus vraiment de l'ambiance avec une véritable ambiance musicale intéressante. Mais en l'écoutant, autant je me disais c'est sympa, autant je me dis mais j'ai pas envie de voir ça au fest. Parce que ça va être en main stage, donc ça va être tout le monde, mais ça va être. Voilà, ça va pas le faire pour moi, je pense. Mais sinon, un titre sympa, voilà, que je recommande à écouter quand on aime le style de Perfect Circle, ce qui n'est donc pas ton cas, Bob, mais c'est pas grave. J'ai pas dit ça. Quand, rappelle-moi, quand j'ai dit ça. Quand je t'ai prêté un CD que tu me l'as rendu, pas pour moi. Ah, mais je devais être bourré. Ah oui, voilà. Puis je l'écoutais qu'en bagnole, donc. C'est possible. C'est tout. Moi, chaîne. Désolé. Donc, pour les fans de Monster Magnet, ils ont prévu une tournée européenne à partir de mai 2018. Ça, c'est cool parce qu'on est en Europe. Et ouais, c'est ça qui est bien. Et amis français, vous pourrez les voir ailleurs qu'en France parce qu'ils ne passent pas en France. Oh, les... Donc, attends, pour dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ils doivent avoir à peu près 30 dates en Europe. Et il n'y en a pas une en France. Allez. Voilà. Donc, l'Angleterre, l'Allemagne, beaucoup. L'Espagne, la Tchétchénie, l'Italie, le Nouvelle-Angleterre. Non, je déconne. Le Danemark, la Norvège, beaucoup. L'Irlande, à Dublin, l'Angleterre. Mais alors, la France... Pas le temps, peut-être. Parce qu'avec des trucs, c'est pas simple, toujours. C'est ça. Bah, ouais. Y a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne... J'ai déjà dit. Non, mais c'est pour dire, tu vois. Mais non, ça passe tout autour. Voilà. Oui, tu sais ce que c'est, ça, c'est encore une histoire de gros sous. Peut-être, qui sait. C'est Live Nation, tu crois. Ouais, peut-être. Hey, je rebondis. Le Download a maintenant une émission de radio. Alors, je pensais au début qu'elle allait passer que le dimanche soir, mais apparemment, elle passe un peu tout le temps. En boucle. Non, mais elle passe plusieurs fois. En fait, il y a des choses qui... Genre, j'avais vu une news hier ou aujourd'hui qui disait « Découvrez en exclusivité ce soir sur notre radio, machin. » Donc, la radio, l'émission s'appelle « Evil Alternative Rock », présentée par Christophe Droit, qui est un journaliste qui est au sein de Rock Art, je crois. Je suis pas sûr, je voudrais pas dire de conneries. Enfin bref, c'est un journaliste métal, en tout cas. Le site pour aller écouter, c'est evi1.radio. J'ai écouté la première, donc j'ai pas écouté les autres. J'essaierai d'aller écouter les autres pour avoir un avis un peu plus, un peu moins tranché. Pour l'instant, ça fait vraiment, c'est vraiment une émission de pub pour le Download, à savoir que ça passe que, ça discute deux secondes avec deux trois news, enfin ou deux trois anecdotes sur le groupe, et puis ça enchaîne avec une chanson du groupe et ça multiplie les morceaux. Mais c'était très souvent et vous retrouverez ce groupe là tel jour sur le Download et vous retrouverez tel groupe là machin. Alors, j'ai pas assez écouté pour voir s'il y avait vraiment d'autres choses. Peut-être qu'il y aura d'autres thématiques. Mais la première que j'ai écoutée, c'était ça. Et il y a aussi des interviews de groupes qui viennent, qui vont venir au Download. Du coup, il y avait Zach Wilde qui a été interviewé et je ne sais plus qui. Cool. Ouais. Bon, donc, c'est bien. Après, le Download, l'année dernière, on vous avait demandé de venir vous voir. Vous n'aviez pas été trop chaud. Puis aujourd'hui, vous faites une espèce de podcast. Je trouve que c'est un petit peu salaud. Voilà. Ouais, c'est du repiquage. Hein. Il nous pique l'idée. Pas grave. Non, c'est très cool en tout cas. C'est toujours bien d'avoir des trucs à écouter sur le métal. Bah, c'est ça. N'hésitez pas, c'est sûrement des gens beaucoup plus cultivés sur le milieu que nous. Faut pas hésiter. Une petite news, Bobby. Oh, Bobby, carrément. Ouais, encore une news festoche. Donc, par contre, c'est en avril. C'est assez original. Le 6 et 7 avril, le Dourbaï Rock Festival en Belgique. Exact. Non, Luxembourg, pardon. Ah bon, merde, je crois que c'est en Belgique aussi. Donc, petite affiche sympathique aussi. Hein, Il y a des amis à nous, non? Ben ouais, il y a Alstorm. Ouais, je me la pète. Ouais. Non, il y a Ultra Vomit. Mais non. Ah bah si. Mais non, c'est pas eux que je pensais. Ah, Orange Goblin. Mais non. Cadaver. Oh. À Cous Vacuum, tu penses peut-être à Ed Charger. Mais ouais, il y a Ed Charger. Elle a l'air super cool l'affiche. Bah, carrément. Et c'est en avril. Tu changes. Ne te découvre pas d'un film. Bah, c'est pour ça. C'est le con, le combien? Le con. Non, c'est pas le con. C'est avril 6 et 7. Ah, je peux pas. Dommage. Ah, bah, toi, tu peux, toi. Bah, remarque, je serais peut-être rentré. Bon, Luxembourg, bon. C'est loin? Bah, c'est pas que c'est loin, mais bon, j'ai plus non plus... 20 ans? C'est ça. C'est vrai. Ah, ce que tu... Mais ouais, on n'a pas toujours le cœur de quand on avait 20 ans. C'est vrai aussi. Voilà, donc pour finir, l'affiche. Alstorm, Eluveti, Unslave, Ultra Vomit, Therion. Et pas Tyrion. Voilà. Amenra, Cadaver, Orange Goblin, Igor, Imperial Age, Monoloro, Deep Show, ouais, c'est ça, Alien, Cellar Darling, Head Charger, Acus Vacuum, Grimmer et bien d'autres. Donc voilà, une petite affiche plutôt sympa. Ah ouais, non, elle fait bien envie celle-là, je trouve. Ouais, carrément. Ouais. Sur deux jours en plus, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Tout correct. Donc voilà, le Dourbaï Rock Festival. Du coup, en plus, si c'est le 6 et le 7, ça doit être vendredi et samedi. Ben voilà, bravo. Bien joué, les gars. GG, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Autre petite news, Avatar, une grosse interview du groupe chez, encore une fois, toujours, chez nos amis de Radio Métal. Du coup, je vais pas reprendre tout ce qu'ils ont dit, parce qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux aller la lire. En fait, je vous conseille d'aller la lire, parce qu'elle est un peu barrée, et je voudrais pas dénaturer le truc, parce qu'ils sont vraiment dans... C'est effectivement donc un album conséquent, Avatar Country, qui va sortir le 12 janvier, à savoir vendredi, hein. Donc je serai à la première heure dans le magasin. Ben, bien sûr. Et donc ils parlent de piétiner. Oui, ils parlent du concept de l'album et tout, mais d'une manière très très premier degré. D'accord. Donc c'est très. C'est très sérieux. Ouais non, c'est très bizarre en fait, parce que quand tu lis, t'as presque l'impression que mais ils sont barrés quoi, ils sont dans un autre trip quoi. C'est là, je veux dire, l'interview est assez bizarre parce qu'ils arrivent quand même à raconter, à en parler sérieusement de ce qui, des questions qu'on leur pose. Ils répondent avec des vrais trucs, mais entre deux, je sais pas, la thématique de l'album, elle a l'air bizarre. Enfin, bizarre. C'est la manière dont ils en parlent qui est bizarre. Mais j'ai trouvé ça super sympa et plutôt que justement de raconter, d'en parler, je préfère que vous alliez la voir parce que vraiment, j'essaierai de mettre le lien sur la page aussi pour les gens qui sont curieux. Voilà, ouais, c'est ça. Et sinon, juste le truc que j'ai retenu, c'est que le précédent album, il avait enregistré en 6 semaines. Là, il l'a enregistré en 2 semaines. Voilà, comme ça, c'était réglé. Ouais. Parce que plutôt, bam, bam. Voilà, bah, c'est ça. Voilà, c'est cool. Bah ouais. Est-ce que tu as d'autres news, toi? Non. Eh bien, plus rien. Que... Si j'ai changé ma photo de profil. Voilà. Et pourquoi donc, alors? C'est important, ça. Qu'est-ce qui t'a décidé à... Bah, parce que je m'ennuyais. Ah ouais? Pour être poli. Voilà. D'accord. Aucun intérêt. Bah écoute, si. Lequel? Eh ben, c'est que t'as nouvelle année, nouvelle tête, quelque part. Ouais, c'est ça. Tu vois Donc toi, tu dis, bah, nouvelle PP, comme on dit. Picture Profile. Ah. Ou Profile Picture, ouais. Pour... Ouais, plutôt, ouais. Ouais, ok, très bien. Est-ce qu'on n'attaquerait pas un petit peu les chroniques? Ah, les groupes. Parce que, bon, ça fait déjà 42 minutes de news. Super. Donc, va peut-être falloir... non, parce que si après, on veut se faire un petit Eken... Et je travaille moi demain. C'est pas parce que toi tu travailles pas demain que. Dégueulasse. Tiens, bah. Attends. Tu commences ou je commence? Hé, hey, regarde. Tiens, bah, je te l'offre, c'est pour toi. C'est quoi? C'est un décapsuleur. Hé hey. Mais non, c'est une totote. Non, c'est un décapsuleur. Regarde, je mets dedans. Ah, ouais, cool. Ah bah, tiens, en fait, j'ai oublié de te griller. Hé, hey, tu sais, Joe, il est pas là. Non. Non. Bah, je peux déjà t'annoncer qu'il sera pas dans la saison 3 non plus. Alors, fuir de manière. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un autre môme. Non. Ah ouais. Pire. Attends, qu'est-ce qui peut être pire? Je vois pas là. Bah, toi, par exemple, t'as fait 4 enfants. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as pas fait? Qu'est-ce que j'ai. Bah, putain, plein de trucs. J'ai pas sauté en parachute. J'ai pas été photographe pour Playboy. J'ai pas été guitariste dans un groupe de rock. Non, mais non, pas ça. Ouais, je sais pas. Dans le rapport de la famille. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans le rapport de la famille? T'as fait 4 enfants, mais tu... Je les aime. Pas tous pareils. Oui, mais ça, ils savent pas. Bon, bref. Enfin, si, ils savent, mais... Joe, en 2019, se marie. Oh putain! Ouais. Quel nul. Enfin, c'est exactement ce que je lui ai dit. N'importe quoi. J'ai mis un deuxième enfant, si t'as pas suffi, faut en plus que tu te maries derrière. Mais le mec n'a rien compris, quoi. C'est clair. Le mec enchaîne les erreurs sur... Mais normalement, tu fais des gosses et tu te sépares. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais grave. Mais et jusqu'au bout, il a fait n'importe quoi. Il a acheté une maison, un enfant, deuxième enfant, il se marie. Il a du boulot. Mais je suis sûr que bientôt, il va vendre sa voiture, là. Ça. Ouais, toute pourrite. Ouais, il va s'acheter une grosse voiture familiale. Non, il en a déjà une, donc il va acheter un 4x4, ce con. Oh putain. Oh, ah, imagine où il s'achète une petite sportive. Non, mais en plus, et. C'est pas bah non, il peut pas, faut qu'il y ait quand même de place à l'arrière. Bah non, mais ils ont déjà une voiture. Oui, c'est pour lui, pour aller au travail. Ou au pire, il va y aller en vélo. C'est genre comme. Oh, comme des bobos. Oh là là. Oh, avec sa sacoche et ouais, tout. Ouais, le petit vélo électrique. Ah oui. C'est où t'es bien tendu, comme t'as le dos bien droit, comme ça. Et sa petite écharpe. Ouais, non, l'écharpe qui vole au vent. Avec le petit casque. C'est moi que je vais au travail en vélo électrique. Et du coup, bah du coup, il sera pas dans la saison 3 parce qu'il sera en train de préparer ça, je suppose. Quel nul. Et il se marie en juin en plus, le 8. Donc, bah, le Hellfest 2019, à mon avis. Bah, il va pas le faire. Bah, non. Ou alors, il va faire sa nuit de noces sous la tente, sous la cartente. En plus, une fois que t'as deux enfants, ça sert à quoi de faire une nuit de noces? Bah, ça sert plus à rien. Bah, non. T'as déjà visité l'intérieur. Je me désolidarise de cette vanne. C'est faux, il me l'a soufflé de ta gueule. Je dis pas qu'elle est pas vraie, je dis que. Oh merde, oh bon, hé hey. Allez ouais, c'est toi qui m'as lancé. Non, bah, c'est juste. Tu pour m'as dire. Dit, je vais le pourrir. Bah, c'est. Ah, bah écoute, je t'ai non, filé bah, un coup bah, de main. Bah, bien joué. Voilà. Merci. Voilà. Bon, bah, je commence. Ou tu commences? Vas-y, commence. Bon, alors, je vais commencer par Suffocation. Ah. Alors, à savoir que comme on avait un peu plus de temps à cause d'une semaine en plus, j'ai écouté quasiment tous les albums de tous les groupes. Donc, c'est plus un avis général sur le groupe qu'un avis rapide, en fait, du coup. Donc, groupe de death metal américain, originaire de Center Ridge, dans le Long Island à New York, formé en 1988. C'est un des premiers groupes, si ce n'est le premier, à jouer du brutal death metal. Le chanteur Frank Mullen est aussi connu pour être le premier à populariser les vocaux bas et gutturaux qui caractérisent maintenant ce genre musical. Et clairement, effectivement, du premier album au dernier album, il y a 8 albums, j'en ai bouffé, hein, je peux dire. Et il chante toujours pareil. Mais tout est toujours pareil. En fait. Suffocation, ça a été. Alors j'ai écouté que 4-5 albums, 4-5 chansons sur chaque album parce que là il y en a quand même un peu beaucoup. Mais c'est, j'ai toujours l'impression d'écouter la même chose. Alors, attention, clairement, je reconnais, ce n'est pas pour moi. C'est-à-dire que j'ai regardé un clip, bah celui que j'ai posté aujourd'hui sur la page, et quand je l'ai regardé, je voyais bien que le guitariste il faisait beaucoup de choses avec ses doigts, mais je ne l'entends pas. Au son, je n'entends pas ça, moi. J'entends vraiment... En fait, ce qui m'énerve, c'est que ce groupe me donne l'impression d'être quelqu'un qui n'écoute pas le métal et qui va dire « Ouais, c'est que du bruit ». Tu vois, tu sais, les gens qui disent, voilà, et ça me donne vraiment ce sentiment-là, parce que quand j'écoute, j'entends toujours la même chose, toujours des blasts, et avec, je ne comprends rien. Je trouve qu'il n'y a pas, alors moi, ce qui pourrait me déplaire, c'est qu'il n'y a pas assez de mélodies. Moi, j'aime quand il y a des mélodies, voire des changements et tout ça. Et là, j'ai juste l'impression que c'est de la brutale, quoi, de brutal death metal, c'est exactement ça. Et bah, clairement, c'est pas pour moi. Voilà, donc par contre, petit fait intéressant ou amusant pour le groupe. Depuis la sortie de Pinnacle of Bedlam en 2013, le chanteur Frank Mullen a décidé de réduire sa participation aux tournées de groupe. Il est de ce fait régulièrement remplacé par d'autres musiciens comme Bill Robinson, John Gallagher et le batteur de Disgorge. Disgorge. Oui. En même temps, c'est plus facile pour chanter. Voilà. Non mais le mec, il est vraiment, il a quand même 3 chanteurs remplaçants pour les lives. C'est voilà. C'est classe. Donc. Non, un ancien membre d'Oasis. Oui, j'y avais pensé quand je l'ai écrit, mais je l'ai pas. Voilà. Si je devais choisir un album. Non, elle est bien. Ah non, mais c'est la mienne, je fais ce que je veux. Ça expliquerait d'ailleurs la discorde entre les frères Gallagher. C'est du coup, bah ouais. Ah, tu fais du brutal death. Moi. Ah bah d'accord. Je trouve que ça va bien avec Wonderwall. Donc, 8 albums, et je dirais que si je devais en garder. 15, ce serait le dernier, celui de 2017, Of the Dark Light, où quand je l'ai écouté, j'ai dit, des petits changements. Voilà. Donc, c'est clairement pas pour moi. Je pense que ce sera sous Altar, ou sous Temple. Oh, quoique. Ouais, je veux dire, sous Temple, ça peut être assez haut quand même. Hein. Donc, j'irai un petit 22h30. Je les avais notés ou pas les trucs la dernière fois? Les heures? Ouais. Ouais, je crois que tu les avais notés, ouais. Ouais, je vais dire Altar. Ah oui, t'avais noté, je souviens. Temple, plutôt, 22h30. Moi, j'aurais dit Altar, moi, mais... Ah bon? Mais après, ça n'engage que moi, hein. Ouais, mais après, comme l'affiche est surprenante, tout peut changer. Hein. C'est vrai. Voilà. Ça se trouve, ils vont nous foutre sous la vallée. C'est possible. Ah bah, tout est possible. Suffocation, t'as déjà écouté? Non, jamais. Non, parce que peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Voilà. Comme je disais, j'ai fréquenté pas mal à une époque, pas mal de mecs, non, quelques gars qui écoutaient du death metal, du black metal, ouais. Dont justement du brutal death. Et ouais, non, peut-être, je sais pas. Je connais des noms, genre Deicide, Marduk. Ouais, mais j'avais justement entre Deicide et Marduk, je trouve qu'il y a un petit peu plus de variation. J'ai pas, enfin vraiment, c'est ce qui m'a manqué quoi. Au bout de 4-5 morceaux, déjà je regardais des fois, j'étais arrivé à 6-7 sans m'en rendre compte. Ouais. Et j'ai vraiment, c'est passé comme ça, donc il n'y a rien qui a retenu mon attention quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas pour moi, vraiment. Je t'en prie. Merci. Donc moi, mon premier, c'était Bullet for My Valentine, heavy metal britannique. Exact. Tout à fait. Donc j'ai écouté 1, 2, 3, 4 morceaux, pour me faire une idée. C'est pas ce que j'aime, c'est propre, hein, c'est énergique, ça tabasse bien, mais moi, c'est les petites envolées lyriques, là, de temps en temps. Vocales. Ouais, les petits vocales, moi, ça... Quand ça gueule bien, c'est musical, tout, ça colle bien, c'est pas mal. Ça... Mais quand ça chante en clair, avec des... enfin, j'arrive pas, moi. Donc du coup, j'ai écouté 4 morceaux, donc Scream, Aim, Fire, Tease, Don't Fall, Earth, Burst into Fire, je pense que c'est ça, Burst. Oui, Burst into Fire. Ouais. Ah, t'as quand même vraiment, et End of Blood. T'as quand même vraiment... Bah, t'as écouté les singles et les plus, justement, comme ça, en fait. D'accord. Ouais. Mais c'est pas. Mais ça rejoint en fait. C'est vrai qu'ils ont. J'ai vu qu'ils ont sorti un. Qu'ils sortent un album, non? C'est ça? Bah, c'est ce que j'ai dit. Ils viennent. Ouais. Ils ont terminé leur justement. Qui est prévu pour 2018. Ouais. Ouais. Enfin, d'après tes oui, dires. Tout à fait, oui. Donc après, je sais pas trop. Je suis peut-être. Ils ont pas fait de démo, non? Sur ce dernier album? Il y a pas des morceaux qui sont sortis, non? Non. Non. Bah, non, pas encore. D'accord. Je ne sais pas du tout. Mais ouais, non, après, c'est pas ma cam. Mais je trouve qu'ils font le taf, quoi, les mecs, par contre. Je comprends les fans. Moi, personnellement, je suis fan depuis le premier album et j'ai arrêté d'écouter après le troisième ou quatrième parce qu'ils sont arrivés dans un truc beaucoup trop, justement, passe-partout, en fait. Ouais. Autant il y a 2-3 morceaux que... Enfin, par exemple, sur le dernier album, je crois que j'en sauve un ou deux. Ah oui, d'accord. Donc, parce qu'ils sont arrivés trop... J'ai presque envie de dire pop dans ces moments-là, tellement... Non, mais tu sais, comme quand il y a certaines envolées lyriques où t'as vraiment l'impression que c'est passe-partout, quoi. Ouais. Par contre, musicalement, je trouve qu'ils ont des riffs et des rythmes de ouf et des harmonisations, mais de dingue. Dans Burst into Fire, il y a un truc en tapping. Recherche musicale, ouais, quand même, quoi. Ils arrivent à... Parce qu'en plus, Burst into Fire, si t'as regardé le clip ou pas, quand t'as écouté. Ouais, je crois. Parce que pour le coup, lui, il est vraiment un peu cucul à praline. Tu les vois, ils sont en tournée, puis il y a le bassiste qui est en train de voir son fils à distance par Skype ou un truc comme ça. Et... Ouais. Ouais, ça fait une jolie histoire, mais bon, enfin, c'est pas... Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a pas mal, souvent, des gonzesses assez jeunes. Ah oui, bah, le côté un peu émo. C'est un petit côté un peu... Voilà, ouais, ça. Non, je suis d'accord. Mais musicalement, moi, j'ai toujours aimé l'alternance... Enfin, le chant clair me gêne pas spécialement, moi. Mais, parce que vraiment, il y a des riffs de guitare, de trucs que je trouve complètement dingue. Mais, ouais, non, mais je comprends propre, ce que tu ressens. Franchement, ouais. C'est propre, c'est... Ouais. Et dès le premier album, c'est propre, hein, parce que... Ouais. Tears Don't Fall, c'est sur le premier album, hein, ça doit être le premier. J'ai vu qu'il faisait des reprises de Metallica, de Nirvana au début, c'est ça que... Ah, ça, c'était le premier album est autoproduit, non auto... C'est pas ça, non? Non, il doit y avoir un premier EP qui est produit, après ils l'ont refait en album propre, je dirais. Ça, j'ai pas... Il avait écrit des morceaux, je crois, qui ne sont pas sortis, et qui sont ressortis sur le deuxième, je crois, un truc comme ça. Ah, peut-être, je ne sais pas. J'avoue, ne pas m'être assez intéressé à l'histoire du groupe, alors que pourtant, j'ai vraiment écouté... D'après ce que j'ai vu, c'est ça, il y a des morceaux qui n'ont pas été faits au début, puis qui ont été écrits avant, et qu'ils ont refait un peu comme System, je crois, et fait Style Disalbum. Ouais, non, mais par contre, c'est vrai que c'est un groupe qui a cartonné dès le premier album. Ouais. Vraiment. Bah, ça m'étonne pas, en même temps, parce que si c'est à peu près ce que j'ai vu, c'est propre. Ouais, bah, il y a rien... Enfin, puis c'est technique, hein. Oui, c'est ça. C'est extrêmement technique. Ouais. Donc, voilà, c'était. Ils sont forts, ces Britanniques. C'est fou. Ils ont leur live à ils ont fait un live à Brixton il y a 10 ans et ils ont refait le même l'année dernière. Enfin, le même. Enfin, voilà. Ouais. Entre deux, le chanteur, il a complètement changé physiquement. On voit qu'il est passé de jeune fan de métal dégueulasse à un mec un peu plus propre sur lui. D'accord. Ouais, sachant qu'en conseiller en image en 10 ans, il a aussi passé par une période où il était un peu bodybuildé et tu voyais vraiment qu'il avait pris des bras et des pecs. Tu fais wow, donc c'était un peu choquant, mais c'est choquant. Ah ouais, non, ça m'avait choqué. Ouais. J'avais posté genre un truc, genre je suis choqué. Hashtag boulette. Hashtag boulette. Ouais, d'accord. Donc, voilà, bah, j'ai pas plus grand chose à dire sur Boulette Format Valentine. Est-ce que c'est un groupe que tu irais voir? S'il n'y a rien d'autre, peut-être que j'irai jeter un yeux. Mais voilà, j'irai pas me déplacer exprès pour aller voir ce groupe. D'accord. Ouais. Tu les vois jouer où? Certainement là où leur place est, en main stage. Et l'heure, je les verrai bien sur un coup de... Boulette. Alors si je ne dis 21 pas... 21h, je dirais. Ouais, j'allais dire, parce que j'allais te dire, je pense qu'ils sont en tête d'affiche. Ils étaient... Ouais, je dirais 21h. D'accord. Très bien. Très bien. Dans ces eaux-là, quoi, lors de l'apéro. Parce que un peu dur, un peu à définir. mon deuxième groupe est Body Count. Bon, groupe dont j'ai déjà un peu parlé autour de cette table, celle-là. C'est pas faux. Voilà. Donc c'est un groupe de punk, hardcore et rap metal américain originaire de Los Angeles en Californie. Il se forme à 90 autour du rappeur Ice-T. Après d'autres musiciens, on s'en fout un peu. À savoir qu'en fait, il avait... D'accord, il y a Ernici, le guitariste D-Rock, le bassiste Moosman et le batteur Beatmaster V. Voilà. Voilà. C'est dit, c'est fait. Alors maintenant, les technicos. Alors, sur le premier album. Alors, le truc à savoir, c'est qu'en fait, Ice-T a d'abord lancé sa carrière de rappeur. Mais en fait, à l'époque du. Il avait un cousin qui aimait beaucoup le heavy metal et qui lui a fait écouter via une radio. Et lui, il a commencé à aimer ça, sans que ce soit forcément sa musique de chevet, mais il aimait beaucoup Led Zeppelin, Black Sabbath et Edgar Winter. Par la suite, quand il arrive au lycée, il a rencontré ses potes, justement, à savoir. Ernici, guitariste D-Rock, Moosman. Non, mais c'est pour dire que justement, en fait, c'est des potes de lycée. Ouais, mais ça, c'est bien, ça, par contre. Voilà, et du coup, en fait, il a lancé sa carrière solo. Et sur l'un de ses albums, l'album. Alors que je dise pas de conneries. En 91, sur son album OG Original Gangster, il a un titre qui s'appelle Body Count, où il y a justement. Il a ramené tous les musicos de Body Count. Et c'est l'année d'après qu'il a vraiment lancé Body Count et qu'ils ont formé avec le premier album et qu'il s'en est suivi le succès qu'on leur connaît. Parce que Born Dead a quand même été assez balancé sur les radios pendant ça. Et Killing Police ou un truc comme ça qui a fait Cop Killer. Ouais. Cop Killer qui a une chanson qui a été mal interprétée où les gens pensaient que c'était un engrenage pour aller tuer la police. Alors c'était pas forcément ça. Ouais. Donc il y avait une petite histoire assez intéressante où quand ils étaient au Lola à Milan en Italie il y avait des punks qui crachaient sur le guitariste. Au bout d'un moment, Ice-T est descendu sur scène pour les taper. Après là, s'en est suivi un mouvement de foule où ils ont voulu attaquer Body Count. Les mecs se sont barrés vers le tourbus, mais le public était déjà en train de défoncer le tourbus, donc eux ils se sont mis dans un taxi. Le chauffeur du taxi a pris peur, donc eux, ils ont pris le taxi, ils se sont barrés, ils ont volé le taxi qu'ils ont abandonné quelque part. Okay. Ils ont pris un autre taxi, ils sont rentrés à leur hôtel. Et en fait, apparemment, il y a eu un imbroglio, ce qui fait qu'il y a des gens du public qui ont dit « Ouais, non, mais ils n'ont pas compris, nous, on les a invités dans notre pays pour qu'ils viennent, donc on veut les voir jouer, qu'on était contents qu'ils soient là. » Et c'est juste parce qu'il y a eu quelques connards qui ont merdé, que voilà. Musicalement, c'est clairement du hip-hop, hardcore, metal. Mm-hmm. Ça marche carrément bien. Alors, ouais. J'ai écouté tous les albums. J'ai deux problèmes avec Body Count. Le premier est que putain, Ice-T, il aime parler. J'avais déjà raconté ici qu'il y avait plein de morceaux où il parlait avant. Et en fait, c'est sur tous les albums. Ouais. Il y a beaucoup de morceaux où il parle avant. Et il n'y a rien de pire. Parce que mets-le à la fin de ta putain de piste, pas au début de l'autre. Tu veux écouter une chanson, t'es obligé à chaque fois de te taper son discours. Et ça, c'est chiant. Et mon deuxième problème est que c'est sur chaque album, t'as des putains de morceaux, des vraiment trucs comme celui que je t'ai fait écouter tout à l'heure, où j'avais mis sur la page, il est vraiment excellent, quoi. C'est un très bon morceau. Mais entre deux, t'as plein de trucs très moyens. Et en fait, sur toute la discographie du groupe, c'est un peu ça. Donc, j'ai un peu de mal à me dire que j'aime beaucoup Body Count, mais il y a beaucoup de morceaux que j'aime bien. Donc, du coup, en fait, je serais plus partant pour un best-of. Mais un best-of que je ferai moi-même. Ouais, voilà, c'est ça ce que je suis en train de penser. Tu vois, genre, ça serait bien. Après, j'ai pas eu la chance de les voir en 2015. Ouais. Mais j'aurais voulu les revoir au moins à la Warzone. Du coup, je suis assez partagé. J'ai écouté des très bons morceaux où tu sens vraiment l'énergie et la forme d'Ice-T. Il fait pas ça C'est pas un arnaqueur, quoi. Il fait pas ça pour dire j'ai essayé de percer aussi dans le métal. Non, il aime ça quand même. Ouais. Ça se sent et voilà, il s'éclate dedans. Même si vraiment, il a vraiment des paroles de rappeur dans le métal qui sont très. Genre les paroles de sur son truc là, je porte un black hoodie, je suis pas armé, mais alors pourquoi je suis mort? C'est en gros histoire de dire voilà, dès que tu portes un hoodie, on te tire dessus avant même de savoir si t'es coupable ou pas. Ouais, bah, oui. C'est vraiment des trucs de rappeur, quoi. Ouais. Donc c'est. Ouais. Mais c'est marrant. Enfin, ça passe bien. Il y a une putain d'énergie, les riffs sont puissants. Voilà, j'ai rien de négatif à dire, il y a juste des morceaux qui me plaisent plus que d'autres. Et sur un album. En fait, j'aime bien Body Count dans l'ensemble, mais j'aime pas forcément sur un album. Ou alors l'avant-dernier, dont j'ai oublié le nom. Et, parce qu'il y a quand même 6 albums studio, hein, du coup. Voilà. Mais donc, j'aurais plutôt tendance à mettre un pouce vers le haut. Ouais. C'est bien pour Body Count. Sinon, je dirais Main Stage. Un petit 18h quand même, parce que il pourrait être plus haut, mais je pense que 18h ça peut le faire. C'est pas un groupe de la nuit? Je sais pas, mais il y a trop de groupes qui peuvent passer un peu plus haut. 18h c'est pas mal. Ils étaient passés tôt déjà sur la Warzone. Hein. Je crois qu'ils étaient passés dans ces heures-là. Ouais, moi je verrais bien un truc comme ça. 18-19h. Ouais. Ouais. Moi je dirais un petit 18h. Ben, je m'en rappelle pas, mais ouais, je crois que c'était à peu près dans ces eaux-là. Il faisait jour, oui. Là, c'est sûr. Moi seulement même bien jour, je crois. Ouais, il y avait du soleil. Ouais. Et du monde. Ouais. Et de la poussière. Ouais. Et de la bière. Ah bon? Un peu, ouais. Ah, peut-être. Quelques milliers de litres. Comme d'habitude. D'ailleurs, en parlant de litres. Eh, c'est pas faux. Mais oui, parce qu'on a quand même. On se goûte ce raisin. Goûtons-nous ce raisin. En même temps, tu me le proposes pas non plus. Hein. Parce que moi, pareil, hein, je suis assez. Bah, c'est à moi de te proposer. Relouxe. Oh, dis donc, c'est pas moi. Mais si. Alors, nous allons. Notre sponsor de la semaine est Lef, avec une Lef des vignes, arôme subtil de raisin blanc, avec quelques saveurs florales, bien sûr. À consommer avant le 9 décembre. Ah oui, d'accord. Alors, toi, tu me files de la bière périmée, quoi. 2018. En plus, c'est à toi de parler. Donc, faut. Ouais. C'est con parce qu'on aurait pu enchaîner. Ah bon? Bah ouais. Parce que tu vas parler de quoi donc? Septic Flèche. Waouh! Qui est un groupe de metal. Non. Death, progressif, symphonique, grec. Ah oui, je l'avais pas du tout, non. tu m'as. Non, mais en fait, voilà, il a pointé des doigts vers moi, genre, dis la suite. Je l'avais pas grec. Même, je le savais, c'est pour ça que. Je savais que j'allais finir le. Non, mais t'étais. oui, c'est pareil, j'ai écouté pas beaucoup de morceaux. Oh, t'es nul. Ouais, je sais, je suis nul. Mais bon, bah après, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté et jusqu'au bout, par contre, les morceaux. Et on se contracte pas. En me disant, tiens, à la tienne. Hey, merci, Biang. Donc, morceau écouté. Portrait of a Headless Man. Ok. Est-ce que tu, par hasard, tu sais de quel album c'est tiré? Aucune idée. Parfait. Et Prometheus. Oh voilà. Comme le film? Bah ouais, c'est à peu près ça. Aïe, aïe, aïe, aussi mauvais que le film? Alors j'ai regardé le clip de Prometheus, ouais. Et ces mecs ne respectent pas du tout la chaîne du froid. Quoi. Ah bon? Alors franchement, j'irais pas bouffer chez eux. Et si, j'ai écouté Dante's Inferno aussi. Ah, mais c'est celle que j'ai mis en clip, ça non? Non, c'est peut-être possible. Ah, oui. Je ne sais plus, je n'ai pas la mémoire des chiffres. Et donc, bah voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est propre. Il y a une espèce de son toujours qui revient, c'est une espèce de grosse corne. Mmh. C'est un peu comme dans les films épiques. T'sais. Ouais. T'as vraiment l'impression d'être dans un gros truc. Péplum ou je sais pas ouais, quoi. D'accord. C'est un gros film épique. Quoi. Donc t'as un gros son de corne derrière qui. Comme ça. Comme dans les films. Voilà. Mmh. J'ai vraiment l'impression d'être dans God of War. Waouh! Qui est un jeu vidéo du coup. Oui, voilà. Enfin, après, voilà, ça se ressemble. Parce que non, mais j'entends bien. Les textes sont pas mal. Mmh. Ouais, tout à fait dans cet esprit-là. Alors, j'ai pas accroché du tout, quoi. Je sais pas si tu me files que des groupes que j'accroche. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur ce groupe. Quoi. C'est propre, les mecs font leur taf correctement. Voilà. Mais c'est. Je sais pas, s'il y a un truc. Mais allez, faut écouter ces petites flèches, vraiment. Non, franchement, c'est pas ma cam. Alors, du coup, tu sais, j'ai écouté 3 morceaux, ça m'a suffi, quoi. Mmh. Voilà. Et il y a souvent ce son de corne qui revient. Justement. D'accord. Bah, t'as peut-être écouté trois morceaux d'un même album, ça se trouve. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai écouté le dernier album, je crois. Et bah, j'étais pas emballé non plus. Mais je crois que j'étais moins. Moins pas emballé que moi. Ouais. Je crois que j'en avais écouté plus que ça. Bon, j'avais l'impression d'avoir écouté, puis là, j'ai un gros doute. Donc. Parce que, j'ai l'impression d'avoir écouté le dernier album et m'être dit, c'est pas si mal. Et quand je vois les autres albums, ils me disent rien du tout, là. Donc, Ouais. Mais je trouve que ça se ressemble vachement, en fait. Bah après, voilà, non, c'est pas ma cam non plus, hein, donc... Les morceaux se ressemblent beaucoup, alors du coup, enfin, se ressemblent. C'est vrai que t'as écoute, l'impression... On fera une comparaison tout à l'heure. Suffocation et ses petites flèches, tu verras ce qui se ressemble beaucoup. Ouais, toi, t'as quand même été assez pervers sur Suffocation. Hein. Mais parce que, bah, j'avais un peu de temps. Mais j'irais pas écouter tous les albums de ses petites flèches, par exemple. Parce que moi, trois morceaux, ça me suffit, quoi. C'est déjà, bien. J'ai l'impression que c'est vachement... bah, que c'est vachement, non. Mais que c'est pareil, quoi, tu vois. C'est, j'ai pas l'impression de voir vraiment de... Je dis ça, ça n'engage que moi. Hein. Après, sais qu'il y a des fans de Septic Flesh, sinon ils seraient pas encore là. Mais voilà. Non, c'est juste... Non, j'arrive pas. Non, mais non, c'est pas grave. Hein. Quand est-ce que tu les mettrais que tu vois? Je les verrais bien... En halter. Mm-hmm. Et je les verrais bien sur un coup de... 19h. Pour l'instant, il n'y a pas trop de risques hein, sur ce qu'on prend. Bah non, mais bon... Non, mais... Ça reste un groupe assez connu, quand même. Mais c'est ça. Populaire, enfin, dans le style. Après, des fois, il y a des groupes qui sont passés à 15h, qui étaient populaires, et même à 13h. Je sais plus, Niles était passé vers 14h, je crois, un truc comme ça. Ouais. Des fois, on peut être surpris. Oui, c'est vrai qu'en même temps. Ouais. Non, mais écoute, c'est noté. Très bien. J'enchaîne. Enchaîne. Malmort. Alors, Cocorico. Ah oui, le fameux. Le fameux. Donc, depuis le 1er janvier 2016, autant dire que c'est tout récent, Malmort est devenue une commune située dans le Corrèze, le 19 pour les puristes, ou la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est issue du regroupement des deux communes de Malmort-sur-Corrèze et Vénarzal, qui prennent forcément le statut de commune déléguée. Bravo. Ouais. Bravo. Est-ce que tu le savais? Oui. Ah merde, je pense toujours que tu pêches en culture. Ah non. Dans la Corrèze. Les communes, tout ça, ça me parle. Moi. D'accord. Bon, bref, je vais revenir plutôt sur le groupe. Les communes. Alors, hiver 2013, à savoir 4 ans en arrière, 4 musiciens ont sorti un disque. Et il a pas eu. Si. Mais qui ne se classe ni dans le trash, ni dans le rock, ni dans le heavy, ou dans le punk. Et en plus, ça chante en français. D'accord. Parce qu'en fait, les mecs se revendiquent du métal libre. Ouh. Je cite, nous, musiciens sans nom, sans étendard et sans chapelle, avons décidé de créer Malmort à l'image de l'idée que nous nous faisons du métal. Deux points, libre. Ok. Tu vois. C'est super. Mais ça, c'est des mecs qu'on voit. Qu'on non. Dans les autres infos que j'ai pu avoir, il semblerait que leur premier album, French Romance, fut élu album du mois par les collègues de Rock Hard, poussant plus loin et faisant causer de lui dans le metal hammer allemand, et finissant par être diffusé en radio nationale, qui plus est dans la prestigieuse radio du plus metal d'entre nous, à savoir Arthur, c'est-à-dire WFM. Ouh, dis donc. Voilà, ça c'est ce qu'on peut savoir sur la partie histoire de Malmort. C'est quand que tout a basculé? Ah ben je ne sais pas. Alors, de ce que j'ai écouté le deuxième album en entier. Deux fois, je pense. Le premier album étant dispo que sur Bandcamp. Oh, dis donc. Elle a du goût. Bah, elle est sympathique. Donc, c'est vraiment. J'avais écouté avant de lire ça, et c'est vraiment en fait ça, en fait. C'est totalement inclassable. Ouais, non, mais c'est vraiment inclassable. Ça brasse plein de trucs. Est-ce que ça marche? Alors, en fait, justement, c'est le paradoxe. C'est individuellement, chaque chanson, oui. Mais moi, en fait, j'ai besoin de repères quand j'écoute un groupe. J'ai besoin de retrouver. Un lien entre une unité en fait, tu vois, un truc qui fait genre que quand tu... ça c'est tel groupe, ouais. Et là le problème c'est que ça, comme il y avait tellement de variations et tout ça, en fait j'avais du mal à un moment donné à me dire que c'était le même groupe que j'écoutais, et sans que ce soit négatif forcément, mais moi c'est ce qui m'a manqué en fait, ouais. Tu vois, j'ai, si un groupe décide à un moment donné de changer un peu les influences et de tenter des trucs, ça me dérange pas, Mais là, en fait, c'était vraiment d'un morceau à l'autre. J'avais pas forcément l'impression d'écouter. Après, tu reconnais la voix du chanteur et tout, mais il y avait vraiment. Après, ça brasse trop large pour moi. Ça brasse vraiment trop large. Alors, sans être péjoratif, mais il y avait des moments très très infimes où des fois je m'étais dit, tiens, on dirait un petit peu du. Merde, comment il s'appelle, c'est con. Ça commence bien. Non, mais non, mais. Un peu de Matmata des fois. Ah merde! Ouais, mais non, mais dans le côté Le influence un côté peu. Shushen. Ouais, un peu, ouais, mais voilà, mais c'est ça sonne hyper négatif quand je dis comme ça, mais c'est vrai que comme les chansons elles se ressemblent pas et qu'elles brassent un peu à droite, parce que forcément t'as vraiment des vrais riffs de métal et des vrais trucs qui vont dans tous les sens, mais certains moments rock ou très très calme, des fois je me suis dit, putain, merde, ça fait penser à ça quoi. Après, l'autre souci que j'aurais, c'est que je suis pas du tout touché. En fait, comme c'est en français, bah tu fais forcément un peu plus attention aux paroles. Et bah des fois le français ça marche ou ça marche pas. Et là en l'occurrence moi ça marche un petit peu moins. Ça, je veux dire, il y a un titre qui s'appelle Ball Trap et entendre dans le refrain un autre Ball Trap, moi ça me fait sortir du truc en fait. C'est moi. Par contre, j'ai regardé vite fait 2-3 lives et il y a une vraie énergie que tu ressens aussi dans les CD, mais il y a une vraie énergie et ça a l'air très sympa. Et à l'occasion, j'irai bien les voir justement pour avoir, me faire un vrai avis de visu, comme on dit. Mais j'ai, si tu veux, j'ai vraiment pas trouvé ça désagréable ce que j'écoutais, mais ça m'a pas non plus transcendé, quoi. Tu vois. Donc, par contre, c'est un groupe que je vois de plus en plus partout. Le nom, je le vois. Malmeur. Ouais, je le vois de plus en plus partout, mais ça. De nom, c'est pareil. Mais ouais, mais quand tu vas écouter, je te ferai écouter après, tu vas voir que ça n'a pas du tout. Ça ressemble pas au nom en fait. Le nom t'inspire autre chose en fait. Tu verras. Voilà, mais c'est pas nul, c'est loin d'être nul même, mais moi ça manque un peu d'identité de groupe. Voilà. Mais vraiment, ça c'est moi, c'est parce que j'ai besoin d'avoir un truc comme ça. Bah après, c'est eux qui, voilà, ils ont dit qu'ils étaient un Ben, groupe de tout métal à fait, libre. mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, je pense que c'est un groupe qui passe vachement mieux en live pour le coup. Mais tu sais, c'est assez paradoxal justement d'avoir dit dans la saison 1, on n'aime pas les étiquettes, c'est chiant de toujours mettre ça, et au final, tu vois, d'être le premier à dire, ouais, bah là, ils en ont pas, et pour le coup, ça me manque un peu. Ouais. Donc, c'est paradoxe de. Et ils ont combien d'albums, sais-tu? Deux. Deux albums? Ouais. Peut-être qu'à à force, ils vont se créer eux-mêmes sans le Peut-être, vouloir, peut-être, peut-être peut-être. Ou j'ai loupé le une lien, identité, quoi. ou je l'ai loupé, hein, mais c'est loin d'être nul, quoi. Tu veux, contrairement, par exemple, à Suffocation, que je dirais qui est vraiment pas pour moi, ça me dérange pas d'écouter. Ouais. Juste, voilà, j'irais pas forcément beaucoup plus loin non plus. Voilà. Ok. Du coup, je pense que. Ah merde, où est-ce qu'il jouerait ce. Oh bah, un matin. Pense un Ça ne matin. sert à rien. Et. Ah, ils peuvent faire la main stage. Bon, ouais. Un matin, Un main stage. c'est jouable. Peut-être pas en ouverture. Parce qu'il tourne un peu, donc. Un main stage 11h. Ouais. Je piffe ça. Main stage 11h. Mais je te ferai écouter. Toi, par exemple, Malmoche, j'ai envie de te faire écouter pour avoir ton retour. Suffocation, c'est pour juste te dire. D'ailleurs, regarde, c'est pareil. Tu vois, c'est la deux, les démarches sont pas pareilles. Ouais, Tu vois. je comprends bien. À vous. Ah bon? Oui, bah, c'est chacun son tour en fait. Ouais, c'est cool. Donc, bah, moi, poursuite, j'avais Tesseract. Ah. Voilà, donc en géométrie, le Tesseract, aussi appelé 8 cellules, ou octogone chaude, est l'analogue quadridimensionnel du cube. Oh putain, salaud, salaud, t'aurais tellement pu Ou faire le d'autres trucs. mouvement le long de la quatrième dimension et sert une représentation pour des transformations liées du cube à travers les temps. Le tesseract est au cube ce que le cube est au carré. Waouh. On est d'accord? Est-ce que tu fais une Ou petite. plus formellement, le tesseract peut être décrit comme un 4 polytope régulier, convexe, dont les frontières sont constituées par 8 cellules cubiques. J'en parlais encore ce matin, moi. C'est ouf. C'est rien. Et tu fais pas une référence à Avenger, moi, c'est ce que j'aurais fait, moi. Un Power Ranger? Non, à Avenger. Ah, Avenger. Non, pas du tout. Il cherche le Tesseract. Ah ben ouais, mais tu vois, Ah putain, je ne suis pas Marvel autant que toi. Non, mais bien joué, bien joué, Voilà. le maître des maths. Donc. Blague à part. Oui, Je l'avais marqué. t'as marqué Blague blague à à part, part. En plus, blague à c'est part. marrant parce que à part, tu l'as marqué en un seul mot. Ouais? Bah oui. Comme Worlds Apart. Pareil. J'ai fait une référence. Hein. Blague à part. Je pense que c'était un nom de groupe. J'aurais dû le retrouver aussi. Jokopart. Jokopart. Jokopart. Blague à part. Non, je suis en train de chercher un titre de ce qu'il chantait, mais je... Worlds Apart? Ouais. Je te donne. Oui, tout à fait. C'est pas eux qui faisaient... Ah non, c'était... Ah, putain. J'ai Baby Comeback dans la tête. Mais... Bah si. Mais non. Ah si, mais si, putain, oui, mais grave. Oui. Non, mais moi, c'est plutôt Baby Comeback, Baby Comeback. Alors tu vois, du coup, c'est... Non, mais tu... Mais ils avaient vraiment fait Baby Comeback, exact. C'est exact, c'est exact. En fait, Tesseract, la typo de Tesseract, c'est Tesseract avec un T en majuscule à la fin. Ouais. Voilà. Et moi, ça m'a toujours fait penser à Tiny Shuzny, avec Tenak, je sais pas pourquoi. Tenak. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, c'est un du groupe de metal progressif britannique. Ah ouais ? Oh non, j'aurais dit metalcore, moi. Mais d'accord. Metalcore ? Ouais. Ouais, d'accord, tout à fait. Mais non, mais pas. Non, mais c'est vrai qu'en même temps. Alors, c'est l'un des principaux groupes du mouvement Djent. Ah oui, le fameux djent. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous décrire le djent ? Parce que c'est le djent ? Bah, je l'ai appris. Ah bah vas-y alors, parce que moi, je vais le dire en truc de merde. Non. Donc, c'est un sous-genre du heavy dérivé du progressif, tiré de l'onomatopée produit par le son d'une guitare accordée basse, à haut gain et forte distorsion, comme peut le faire Meshuga, par exemple. C'est pas un groupe de djent, Meshuga. Non, mais apparemment, il sera accordé très bas. Guitare, voilà. D'accord. J'ai lu ça, donc voilà. Et morceaux écoutés, Off Matter et Excess. Mais normalement, le djent, c'est aussi un rapport avec les maths, un truc genre de rythmique à la con. Normalement. Ouais. Bah ouais, je crois. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. C'est une vidéo YouTube qui s'est lancée toute seule. Ah ouais, je crois que c'était... Ah ouais, bah non, mais c'est toi que t'as les mêmes sources que moi. D'accord. Ah bah si, bah c'est carrément Meshuga, le terme... Ah non, attends, d'accord. Okay, je dis de la merde. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Donc c'est que ça, très bien. Ouais, c'est que ça. Tout simplement. D'accord. Alors moi, au début, quand j'ai écouté, on était là, j'étais sur Spotify, en train de ranger mon garage. Quand soudain, je me dis, tiens, ça, c'est pas pour moi, le chant féminin, c'est pas ma cam. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une femme qui chantait. Ah. Voilà, et c'est voilà. Je suis pas fan du tout. Je sais pas pourquoi tu m'as filé que des groupes de. Mais j'ai ça, c'est tiré au sort. Ouais, de la sorte, c'est acharné sur moi, apparemment. Ah bah non, pourquoi ? Ah bah excuse-moi. Bah non, mais attends, il y a deux secondes, tu dis ce groupe-là, allez écouter, celui-là est pas mal, mais c'est pas pour moi, et là tu viens de dire que des groupes de merde. Non, mais après, voilà, il y en a pas un qui m'a, tu vois, qui m'a dit « Ah, cool, putain, ça, c'est bon, ça. Ouais, » Et bah, tu vois, moi, Tesseract, j'ai écouté le dernier album et je l'ai trouvé vachement bien. Vachement bien. Bah ouais, parce qu'en fait, je l'écoute... T'en parlerais peut-être mieux que moi, du coup. Non, mais en fait, bah déjà, je l'avais mal classé. Mais c'est vrai que c'est effectivement, c'est plus du progressif. Parce qu'en fait, j'allais dire, c'est du metalcore avec des petites parties mélodiques qui m'ont plu. Mais du coup, oui, c'est beaucoup plus progressif. Mais moi, c'est pas ma cam, moi, les parties mélodiques trop... Ouais, bah juste, bah en fait, moi, ça m'a. Autant, j'aime pas forcément. D'accord, donc le son de Jen, je suis pas forcément fan de l'ambiance que ça crée, mais la partie mélodique que le côté progressif ramène m'a se marié plutôt bien, selon moi, et ça m'a pas déplu d'écouter. Je t'avoue que je l'ai pas eu envie de le réécouter direct derrière en disant, ah, c'est trop bien, mais j'ai pas du tout. Je l'ai pas subi, en fait. Tu vois, contrairement à beaucoup d'autres choses que j'ai écoutées. Mais je ne l'ai vraiment pas subi, donc je dirais pas forcément que j'irai le voir, mais ça m'a donné envie d'écouter les autres albums, par contre. Ouais. Ah, vraiment. Mais en même temps, je me suis dit que ça allait. Moi, ça me gonfle, en fait, quand même. J'arrive pas à trouver d'accroche, tu vois. Bah, et ça me gonfle, ouais, vraiment, quoi. C'est, tu vois, oh, putain, c'est bon, quoi. C'est, ça me... Tu vois ? Ouais, non, mais bah, c'est vachement peut-être trop carré, trop propre pour toi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça n'a pas le côté un peu sale et les mains dans le cambouis, quoi. C'est, ouais, là, c'est ça. Ça fait vraiment... non, mais c'est carrément ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mais... Les mecs, ils portent pas des casquettes, ils sont très très bien coiffés, très propres, très bien rasés. C'est ça. Ouais, les petits piercings, ils font gaffe à leur look. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est à ce leur que petite ça... voix. Mais même musicalement, ça sonne comme ça. C'est presque beaucoup plus propre que Bullet for My Valentine, du coup, parce que c'est très. Ouais, c'est ça, c'est je suis d'accord. Calculé. Bah, ouais, je suis d'accord, mais ça m'a pas... Tout rentre dans les cubes. J'aimerais pas aller chez eux, par exemple, tu vois. J'aurais peur de salir un truc. Ou... Mais les patins. Mais ça m'a pas... Moi, ça m'a pas... Je pensais ne pas aimer, justement. Et contrairement à la vidéo que j'avais postée, le clip où ça m'a pas plu. Mais là, après l'album, quand je l'ai écouté, ça passait, c'est bien passé. Ouais. Voilà. Bah, c'est bien, justement, qu'on ne soit pas d'accord. Bah, c'est même mieux. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Oui, tu penses qu'ils jouent où et quand ? Putain, j'en ai aucune idée. Je suis pas assez écouté pour te dire. Qu'est-ce que je pourrais voir ? Tesseract, je verrais bien un 13h en main stage. Très bien. Ça, c'est pas déconnant. Après, tu vois, regarde. Je sais pas non plus si j'irai les voir. Toi, je te demande. Oh bah moi, j'irai pas les voir, c'est sûr. Oui, mais est-ce que tu irais voir ces petites flèches ? Non plus. Ouais, tu vois. Bon, déjà, moi, y a pas d'ombre. Est-ce que tu irais voir Body Count ? Oui, plus, ouais. Et Suffocation ? Ah, carrément, à mort la vie. Ok. Alors, j'ai envie de parler d'un groupe, j'ai l'impression que j'ai un petit rototo qui va venir, donc je... Ah, ouais. Vas-y, meuble. Bah non, je peux pas meubler. Ouais, merde. Donc j'ai parlé de Black Bomba, groupe très connu. De vieux. Bah ouais, groupe de vieux du coup. C'est presque des groupes de nous en fait, parce que ils sont là depuis 95. Black Bomba, également parfois orthographié Black Bomba, avec un tréma sur le A. Tout à fait. Est un groupe de punk hardcore français originaire de Viroflay dans les Yvelines. Et voilà. Ça, c'est important de le noter. Bah bien sûr. Donc, ils tirent leur nom d'une variété de hashish. Donc le Black Bombay. De Black Bombay, coupé à l'opium et venant d'Inde. Et le A a été rajouté pour anarchie. D'accord. Après, voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'il était ajouté au Black Bombay, mais je ne pense pas. Donc il a été ajouté au nom du groupe pour faire... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Principalement qu'il y a deux chanteurs. Je tape de la table, ça fait deux. C'est pas mal. Un chanteur un peu arraché, un peu plus aigu, et un chanteur grave pour très criard. Et en fait, tu sais, ça fait vachement plaisir quand tu sens, quand tu écoutes un album, quand tu sens l'énergie d'un groupe. Ouais. Tu sais, tu peux ressentir une certaine énergie, que là, tu as vraiment presque l'impression d'écouter un live. Tellement tu ressens l'énergie et de la musique et du chant. Et ça m'a particulièrement fait bizarre parce que j'ai écouté les 6 albums, il y en a 6 donc, et il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, il y a un des chanteurs qui est parti. Et en fait, non, il y a eu effectivement un changement de chanteur. Celui avec la voix grave est parti, a été remplacé par un autre, mais un autre qui n'a pas du tout ce timbre-là. Mmh. Donc du coup, en fait, ils se retrouvent avec deux chanteurs à voix plus aiguë. Et du coup, cet album, je l'ai trouvé hyper moins bien. Vachement, en fait, sans intérêt. Ouais. Alors que tout le reste... c'est comme si en fait tu vois, t'avais vraiment tous les éléments ensemble qui formaient un tout intéressant et que dès que tu retires un élément, bah ça marche moins bien. Tu vois, en fait, je trouve pas que Black Bomba, alors déjà c'était formé en 95, donc je dirais si pour 95 c'était vachement, vachement peut-être nouveau parce que c'était quand même vraiment le début du nu metal et tout ce que ça entraînait, ouais. Encore plus en France quoi. Quand en France t'avais Plémo, Watcha, t'avais déjà Massisteria et tout, eux c'est vraiment. Vraiment du punk hardcore dur quoi. Mmh. Dur et ils chantent en anglais, déjà faut le savoir pour qu'ils sont français, tellement même au début la prod, même dès leur premier album la prod elle est puissante, le son est lourd, c'est hyper énergique, hyper groové, c'est sans concession, mais c'est donc déjà c'était novateur. Aujourd'hui quand tu le réécoutes, ça ressemble à beaucoup de groupes que t'as, enfin ça ressemble, c'est plus dans l'esprit de beaucoup de groupes que t'as déjà entendu. Mais c'est vraiment le double chant qui apporte quelque chose, je trouve, sur l'ensemble. Ouais. Donc moi, personnellement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et j'aimerais beaucoup les voir du coup sur scène, parce qu'en plus, bah, ils sont pas tout jeunes, mais ils ont quand même l'air d'encore en avoir sous le coude à donner. Et le peu de live que j'ai vu, c'est vraiment mais de l'énergie pure. Quoi. Mmh. Les mecs doivent finir, mais sur les rotules. Quoi. Parce que ça se donne à fond, ça bouge bien. Ouais, c'est bien, ils font leur taf, les mecs. Après, si je devais retenir un album, c'est... Ah bah non, alors j'ai retenu l'album que j'aimais le moins. Ah bah bravo. Bah c'est l'album, il y a un autre chanteur. C'est Enemy of State. Mais pour le coup, c'est comme si en fait, un chanteur moins bon et tout le reste est tout moins bon. Donc c'est ça que c'était vraiment frappant en fait quand j'écoutais. Ouais. Étonnant, quoi. L'ensemble était bien. Ouais, l'ensemble marchait vraiment bien. Et tout, ouais. Ça a créé une espèce de déséquilibre qui était. Je pensais vraiment qu'il n'y avait plus qu'un chanteur. Ouais. Et c'est en faisant les recherches que. C'est le petit engrenage qui se barre. Ouais, quoi, voilà. Foire toute la méga. Mais là, pour le coup, je ne sais pas si tu connais un peu Black Mamba. Un peu. Black Bombay. Ouais, un peu, ouais. Eh ben, sinon, j'aurais tendance à te conseiller d'écouter parce que c'est vraiment. C'est puissant, quoi. C'est très, très bon. Ouais. Voilà. J'irai pas jusqu'à forcément acheter des CD, mais j'aurais écouté sûrement. Et à l'occasion, j'aimerais bien les voir. Donc, je balancerai un petit. Main stage. Midi. L'entre-deux bâtards. Ouais. J'ai pris pour exemple, enfin comme référence, Ultra Vomit qui était passé à midi aussi. Et je dis que ça peut être un. Ouais, il y a du monde à ce temps-là. C'est pour ça. Ouais. Tout a changé maintenant. Donc... C'est vrai. Putain, les temps changent. Ouais, bah oui. Oui, ça, on va en parler aussi, je pense, des temps qui changent hein, bientôt. Tout à fait. À toi! Ah, tu vois, Dalek. Ou garde-le pour la fin, peut-être. Dalek. Bah, ou Marc, non, du coup, c'est moi qui. Bah, en même temps, j'ai Savage Messia hein, derrière. Non, bah, vas-y, alors, Dalek. Voilà, c'est un groupe de hip-hop américain. Voilà. À toi. T'as écouté un peu? J'ai écouté un peu, ouais. Trois chansons? Ouais, à peu près, ouais. Alors, prenons deux minutes pour en parler quand même. Parce que. Moi, comme je l'ai marqué ce matin, enfin dans la vidéo que j'ai mise, j'ai galéré à trouver le groupe parce que quand j'ai écouté, j'ai dit il y a un problème. Je disais ça doit pas être celui-là. Ben, c'est ça. Hein. Et donc en fait, j'ai été sur la page du groupe et j'ai remonté jusqu'à avoir la fiche du Hellfest. Voilà. Et c'est celui-là, c'est ce groupe. Et donc bah du coup, je comprends pas en fait. Ben, voilà. Parce que. Pourquoi? Voilà. Enfin, comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À la limite, j'arrive à voir le côté musique électronique dérivé s'il y avait une racine avec le métal. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu. Je veux dire, on l'a dit, on en a parlé, on l'a pas vu. Du tout de racine avec. Mais là, qu'est-ce que. Il n'y a rien, quoi. C'est du pur hip-hop. C'est du pur hip-hop. C'est du pur hip-hop, quoi. Je comprends pas, en fait. Non, parce que. Comme tu l'as si bien dit la dernière fois. Un festival de musique extrême, voilà, pour des gens qui écoutent de la musique extrême. Voilà. Pas. Alors, est-ce que c'est une volonté de s'ouvrir à d'autres courants? Mais alors, pourquoi, quoi? Donc, l'année prochaine, il y aura Aya, peut-être. Non, mais Ok, la dernière fois, on avait. C'était quoi 99 machin, le truc que Joe écoutait qui était... Jessica, non, c'est pas non, ça. Jessica, non, pas Jessica 93, le groupe qui. Ah oui, écouté. oui, 9-0-9-0-0-1-0-0. Bah, moi, j'ai pas trouvé les racines rock que Joe a vu, mais ça m'a moins choqué que là, c'est du hip-hop, quoi. Ouais. Je veux dire, de tout ce qu'il y a de plus hip-hop, il y a même pas d'arrangements musicaux. T'imagines derrière, parce que t'as pas que ça, je veux dire, t'as le truc 93, t'as l'autre machin, enfin, je veux dire, je sais pas, ils sont en train de faire quoi là. Non, mais alors Jessica 93, c'est. Enfin. On peut voir encore, il y a des instruments de musique qui. Ouais, enfin, c'est pareil, t'as invité Boogers, quoi, c'est la même chose, quoi. Il serait moins cher. Ouais, mais oui, mais là. Et il viendrait de moins loin. Là, pourquoi du hip-hop? Je sais pas. Tu vois, c'est. Et puis c'est brutal, quoi, je veux dire, ils ont même pas essayé de faire le. Doucement, tu vois, c'est blanc. Alors, mais non, mais en fait, c'est, bah, il y a si peu de groupes. C'est, il y a vraiment plus de groupes, c'est ça? Ben, je pense que c'est ça, ouais, c'est bah, fini, mais quoi. Mais c'est pas possible. La news que j'ai lue tout à l'heure, il y a combien de, il y a 40 groupes dans la compile. 40 groupes. Ah oui. Donc c'est 40 groupes français. Hmm. Donc, enfin voilà. Je comprends pas. Par contre, le seul. Alors j'ai commencé à lancer une théorie, mais quand j'ai regardé sur la page, tu voyais que le groupe, ils allaient voir Dillinger Escaplen et des trucs comme ça en concert. Mm-hmm. Question de lien, question de truc. Pourquoi, quoi? Je sais pas. Franchement, honnêtement, je me pose encore la question et on n'aura pas de réponse de toute façon. Non. C'est sûr. Mais ouais, non, c'est Dalek. Je ne sais pas. Je comprends pas. Pourquoi, comme ça, brutalement, d'un seul coup, ils foutent un groupe de hip-hop? Alors, entendons-nous bien. Non. On a... Si. Oui, si. Si, nous deux, ça va. Ouais, bon. Non, on n'a strictement rien contre le hip-hop, c'est juste... Qu'on comprend pas. Pourquoi c'est là? Pourquoi, comme ça? Pourquoi ça vient là, en fait? Dire, ok, vous voulez faire un truc à la Arras, bah arrêtez d'appeler ça le Hellfest dans ce cas-là. Ah bah oui. Et puis, Festival de l'Enfer. Ou alors, faites genre un communiqué. Vu le changement de festivalier, on a décidé d'ouvrir le festival à d'autres courants musicaux. Voilà. Enfin, ouais, on va doucement tourner vers un vieil charru. Bah, enfin, non, on n'en est pas là quand même, parce que. Mais... Qui te dit que. Non, mais c'est quand même assez impressionnant parce que là, pour le coup, il n'y a vraiment rien. J'ai jamais vu ça au Hellfest. Là, je. Non, moi, je suis sur le cul. Là. Là, ça m'a fait bizarre aussi, quoi. Autant Carpenter Brut, bon, la musique électro, tu te dis, il y a peut-être un truc. Puis quand tu écoutes, tu fais, bon, bah, il n'y a pas. Mais là, quand j'ai écouté un peu, puis je me suis dit, attends, c'est pas possible, il y a une merde. Et j'ai été voir sur Wikipédia, je me suis dit, c'est un groupe de hip-hop. Puis il y a pareil, c'est groupe de hip-hop. C'est quoi. Que hip-hop, c'est pas, il n'y a pas d'embrouille. Ouais. Déjà, Perturbator, c'était, il a été guitariste d'un groupe de black metal. Carpenter Brut, des influences metal, machin. Voilà, le nom, bah, à la limite d'Alec, bon, bah, Doctor Who, non, bah, je vois toujours pas le rapport avec le metal. Non, donc, même pas avec le hip-hop déjà. Non, mais. Ouais, je sais pas, c'est ma nouvelle interrogation, et vraiment cette affiche 2018 est particulière, quoi. N'est pas particulière dans le bon sens, enfin pour ma part. Bah ouais, non, mais elle pose plus de questions que ne fait rêver, donc. Totalement, ouais. Voilà, je sais pas, peut-être que. Soit c'est nous qui sommes clairement et donc officiellement des vieux cons, et qu'on n'a rien compris et que maintenant. Forcément. Et que donc forcément il y a un décalage qui se fait que. Mais je me suis jamais autant senti en décalage avec une affiche, en fait, en me disant, mais. Quand même, quoi, putain. Non, mais regarde, si on prend l'exemple de l'année dernière, après tous les groupes qu'on a écoutés, on n'a jamais été choqués, en fait. À part Perturbator qui était là, mais c'était le seul et on n'était pas. Ouais, mais encore, ça. Je veux dire, il n'y avait pas. Non, mais on n'était pas choqués Enfin, il y a eu rarement. Je me souviens pas, en tout cas, à part Perturbator, mais c'est pas nous qui étions tombés dessus. Enfin, je crois que c'est Joe qui était tombé dessus. Ouais. Et qu'il n'avait même pas écouté ou vite fait. Enfin, il y a eu un gloubi-goubla. On n'était pas choqués à la fin de la saison 1, quand on avait écouté le maximum de groupes. Il n'y a pas un groupe, on s'est dit, mais pourquoi c'est là, ça? Et là, ça en fait 2-3, et on commence même à se le dire pour Hollywood Vampire. Donc, c'est plus vraiment sa place dans la tier list qu'on remet en cause, plus que vraiment sa place. Mais je sais pas. C'est bizarre. Mais après, je vois pas non plus autant de réactions que nous, quoi. Donc peut-être il y a que nous qui sommes à côté. Je ne sais pas. Ou peut-être que les gens n'ont pas fait gaffe à Dalek, n'ont pas fait gaffe à Carpenter Brut, n'ont pas fait gaffe à Jessica 93. Bah écoute, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le poster sur le groupe demain, de groupe du Hellfest, pour voir les réactions des gens. Ouais. Sans avoir un retour. Je dirais, hey, on est surpris de voir ça cette année, vous en pensez quoi? Oui. Je ferai ça. Je vais le marquer. Moi, je vais essayer de revenir dans le groupe. Alors. Je pense que je suis grillé. Mais non. Voilà. Donc, t'as rien de. Tu dirais que ça serait où? Pour ma part. Je dirais que j'ai des échymoses tellement. Écoute, je t'autorise à. Un dérapage? Non, un veto, si tu veux. Non, tu te dérobes pas, toi t'es un guerrier, toi. Putain, ils vont pas. Main stage, ça fait quand même gros, quoi. Non, je le verrai en Warzone. Enfin, difficilement, je le vois difficilement en Warzone, quoi. C'est fou ça le matin à 10h30, tu vas le voir. Très bien, pas foutu de le foutre à 10h30. 16h30, tiens. Allez hop, je pose mes couilles sur la table. Et là, très bien. Alors, on enchaîne, parce que, mine de rien, ouais. 1h30 déjà. Hey. Ça va être rapide aussi. Ah, bah c'est ça qui est bien. Exodus. Ah. Alors, en voilà un groupe qu'il est connu. Groupe de thrash metal américain originaire de Richmond en Californie, fondé en 1981. Je ne te le dis pas, mais je te le dis quand même. Le groupe est initialement composé de Kirk Hammett. Et puis d'autres gens, mais c'est ça qui est important à signaler. Kirk Hammett, qui a trouvé le nom. Attends, parce que qu'est-ce qui me l'a marqué ? Ah oui, ça. Nomme le groupe d'après l'ouvrage éponyme de Léon Uriste. Voilà. Et à savoir qu'il quitte bien sûr le groupe en 83 pour rejoindre Metallica. Est-ce que c'est pas un peu un enfoiré quelque part ? Je ne sais pas. Après, bon, avec Metallica et Testament, Exodus fait partie des trois groupes considérés comme les pionniers de la scène du B.A.R.A. thrash metal. Ouais. À savoir qu'après, il y a eu le Big Four, qui était Megadeth, Anthrax, Slayer et Metallica, qui sont vraiment les représentants directs, quoi. Mais les pionniers, c'était Exodus, Testament et Metallica. Le groupe est plus particulièrement connu pour ses trois premiers albums studio, Bonded by Blood, Pleasure of the Flesh et Fabulous Disaster. Alors, personnellement, je me suis tapé tous les albums. Le premier album étant sorti en 85, il y a eu 10 albums studio plus tard. Le dernier remonte à 2014. Et franchement, j'en ai trouvé deux de bien. Ouais. En fait, le problème, c'est un peu comme le premier Metallica. Enfin, je trouve que Kill 'Em All est un très bon album, mais il y a une espèce de son de l'époque, un peu vraiment là, quand tu dis que c'est de la B.A.R.A. de thrash metal, c'est vrai que ça sonne un peu garage, un peu pourri et tout ça. Et je trouve qu'ils ont un peu gardé ces riffs-là. Je trouve que c'est un groupe qui n'est pas très inspiré Exodus. Contrairement, justement, bien sûr, j'aime bien Metallica, donc je ne suis pas du tout crédible. Mais je trouve que même Kill 'Em All était inspiré comme album. Il y avait des riffs inspirés, il y avait des trucs bien. Pas le chant de James, hein, pas du tout. Mais il y avait même dès le début un truc. Et là, chez Exodus, je n'ai pas du tout retrouvé ça pour un groupe de la même époque. Alors que même chez Megadeth, même chez Slayer, même Anthrax, j'avais trouvé certains trucs. Là, pas du tout, et ça dure assez longtemps, où je trouve que c'est pareil. C'est très, très, très, très, très pareil. Et il y a eu un ou deux albums où j'ai fait, putain, là, c'est vachement bien. C'est vraiment en écoutant à la suite, en plus, que j'ai écouté la suite d'album, en remontant, et j'ai fait, waouh. Et vraiment, il y a deux albums, alors j'ai plus le nom exact de celui que j'ai bien aimé. Mais là, je lui dis, bah oui, là, d'accord, là, ok, c'est vraiment bien. Mais si tu veux, j'ai même pas dans les premiers albums fait attention au style des solos de Kirk Hammett et tout, donc j'ai pas. Vraiment, ils sont passés comme ça, et ça m'a pas du tout. J'ai pas du tout apprécié. Ouais. Sans dire que c'est un mauvais groupe, mais en fait, j'ai juste dit, bah, c'est un peu plat, quoi. C'est pas. Par exemple, Exhibit B, The Human Condition de 2010, je le trouve très, très, très, très bon. Le Exhibit de Atrocity Exhibition, Exhibit A, aussi est pas mal. Les autres, le dernier aussi est pas mal. Mais voilà, les autres, je trouve ça un peu. En fait, vraiment pas inspiré. Vraiment, ouais. Voilà. Donc, mais ça reste un grand groupe qui est toujours présent. Et par contre, j'aimerais bien entendre de nouvelles choses, en fait, justement, pour voir s'ils vont continuer à évoluer, même s'ils ont mis quand même largement le temps. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment le groupe, il a fait un truc, il dit bah non, on continue comme ça, bah non, voilà. Là où, justement, si tu prends Kill 'Em All après le virage Rise of Lightning, après Master of Bethesda, tout game, ah, ils ont tenté des trucs. Megadeth qui a souvent fait la même chose, mais avec des petites variantes. Ou... J'ai pas parlé de Slayer. ouais. Donc, Exodus, Main Stage. Bon, un petit 18h. Attends, faut pas qu'il y ait trop de Main Stage 18h, sinon ça va merder. T'imagines ce qu'on va avoir à comparer à la fin? Ah bah, il y en a 15 ans. Il va falloir comparer tous les groupes. 15 en 18. Putain. Bon, bah alors, 20h. Vous êtes du salé. Je prends un risque. Et heureusement qu'on met pas les jours. Non, bah non. Non, parce que Sroux, il joue pas. Donc, ouais. À toi. Eh bien, Savage Messia. Ah, attention. Parce que quand le Messie sauvage pointe sur toi la, son doigt, sa main du destin. Main du destin. heavy metal britannique. Ouais. Voilà. J'ai écouté un morceau. Je me suis dit, c'est pas mal, ça y est, enfin, j'ai un truc. Ah, tu me fais plaisir. Et au bout du quatrième morceau, je fais, putain, mais sérieux, c'est chiant, quoi. C'est toujours la même chose. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a pas de réel changement, tu vois. Voilà, c'est des tout de suite, tu vois. Ah oui, donc t'as pas aimé. J'ai bien aimé la première écoute, tu vois. D'accord. Je me suis dit, c'est pas mal, ouais, ok, d'accord, bon, ça peut le faire. Et puis je fais, au bout du quatrième morceau, quoi, j'avais l'impression d'avoir, d'être encore sur le premier morceau, tu vois. Je comprends, ouais. Que le chant, c'est toujours la même chose, et musicalement, ça change pas non plus, quoi. Tu vois, donc, c'est chiant. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Très bien. Je me suis ennuyé à un moment. Quoi. Oh, tu as eu le temps de te le dire. Mais oh, grave. Je m'ennuie. Ouais. Ah, ouais, je me suis pas dit ça comme ça. Je me suis dit, je m'en kikine. Oh ! Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça c'est dur quand on arrive là quand même. Mm. Bah, j'ai écouté un album, moi. Ça m'a pas fait cet effet-là. J'ai trouvé ça plutôt sympa, mais ça m'a pas marqué plus que ça non plus. Tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas. je me suis pas. Voilà. Je me souviens que quand j'avais. En fait, parce que je t'avais fait une playlist aussi, mais je t'avais pas partagé. Parce que... Non. Non. Et ben en fait, c'est un des trucs qui m'a sorti de oh, viens. Ouais. Ouais. Et c'est ce que je me suis dit sur le premier morceau, tu vois. Ouais. J'ai dit, ouais, ok, d'accord, ça peut le faire. Et puis, deuxième morceau, c'est marrant, ça. Il est pas ressemble un peu. Le troisième, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il ressemble au deuxième qui ressemblait déjà au premier. Et puis, le quatrième, je suis oh, merde, fais chier. Voilà. Après, tu as regardé en vidéo En fait, j'ai écouté. Ouais. Donc j'avais la vidéo, mais j'écoutais plus que je regardais. Ouais. Quoi. D'accord. Bah, le problème de la vidéo, c'est que tu peux tomber que sur des singles et ça. Toujours un problème. Ouais. Mais bon. D'accord. Bah, moi, je serais un. Faudrait que je réécoute vraiment pour être sûr. Genre... Ça m'a pas fait cet effet-là de tout similaire, mais ça m'a pas, je te dis, ça m'a pas plus branché que ça. Quoi. Mm. Ouais. Très bien. Donc tu. C'est plat, quoi. Tu ces phallos étaient. Tu recommandes pas trop trop. C'est pas, je recommande pas, hein. Après, voilà, c'est du heavy metal britannique, hein. Ils font le taf, c'est propre, l'énergie est là, c'est carré. Voilà, c'est... ceux qui aiment ce genre de musique, bah, y a pas de soucis, quoi. Ils vont aimer. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Enfin, je suis quasiment sûr que ceux qui aiment ça, ils vont aimer. Ouais, ouais. Moi je pense aussi, c'est pour ouais, ça que je pense qu'il faut... D'accord, très bien. Ok. Voilà. Alors que... par contre, je les vois où, à quelle heure Ça, c'est intéressant par contre. Là, on est sur des trucs de. Là, oui, là, non, mais là, faut y aller là par contre. Hein. Là, j'en sais rien du trou. Comme disait Marc. Peut-être. Trace, ça se pourrait en Valais. Ah bon ouais, ils ont déjà passé des groupes de vie. Ouais. Pif, hein, pif la Valais. Ah la vache, putain, j'en sais rien. Franchement, tu vois, je crois que mon veto, je vais le mettre sur celui-là. Ah bah, comme tu veux. T'as le droit à veto. Ah ouais. Très bien. Veto. À moi. Donc, ce que je vais te lire là, c'est ce que j'ai trouvé en commençant. Hein, d'accord ? Parce qu'il y a. Warning. Ah oui. Est un groupe de hard rock et heavy metal français originaire de Paris, en Ile-de-France. Il est en activité entre 1980 et 1985. Et qui a sorti 3 albums, Warning 1, Warning 2 et bien sûr Métamorphose, avant de splitter à cause de problèmes de management. Fait amusant, le groupe, composé de plusieurs membres, mais ne comporte pas Dominique Chabat. J'ai pas compris pourquoi. Warning. Bah oui. Déjà. Sauf qu'en fait, Warning là, ce groupe là, bah c'est pas du tout celui-là. Ah merde! Non, c'est pas du tout celui-là! Du coup, parce que j'étais vraiment recherché plus loin, ouais. En fait, c'est l'autre groupe Warning, c'est un groupe de Doom. Donc, du coup, là, ce que je vais te lire, je le sors de leur page Facebook à eux, hein, ce qui est marqué dans leur bio. Je tiens à le préciser parce que c'est fort. Fondé en 94 par le chanteur, guitariste, songwriter Patrick Walker, Warning enregistre 2 démos avant la sortie de leur album culte, The Strength to Dream, en 1999. Leur deuxième album, 2006, Watching from a Distance, a été salué comme l'un des plus influents des 25 dernières années dans le doom metal et l'un des plus marquants dans la dernière décennie. Les mecs mettent ça dans leur bio. D'accord. Déjà, la pression, quoi. Ouais. Ok, j'ai écouté un album, voilà. En 2008, après une série de concerts, Patrick Walker décide d'arrêter le groupe pour se lancer dans un nouveau projet d'écriture. En 2017, Warning se rassemblera pour jouer leur second album dans son intégralité lors du Roadburn Festival aux Pays-Bas. Et donc en 2018, ils viennent faire une tournée. Et donc, ouais, ils passent par le Hellfest. Donc du coup, moi, j'ai écouté les 2 albums, à savoir l'album culte. Hein. Les mecs, en 30 ans, quoi, ils ont fait 2 albums. l'album culte et l'album le plus influent des 25 dernières années, bah, je suis pas forcément d'accord. Ouais. Non, bon, alors, je suis pas un gros fan de Doom, je suis même pas un grand connaisseur, mais le premier album... Non, mais la critique, elle vient d'où ? Il y a une source de la critique ou c'est eux qui ont créé... Ah non, c'est marqué comme ça, sur... je te dis ce qui est marqué sur leur page Facebook. Tu vas dans leur... Ah, c'est eux qui ont créé leur propre critique. Je dis pas ça, je dis que c'est ce qui est marqué. Ouais, donc c'est susceptible que ce soit eux qui... Non, mais en fait, quand tu lis le truc, c'est marrant, c'est que le groupe est fondé par le chanteur, les deux albums qui sortent sont des tueries, le chanteur décide de quitter le groupe, mais après, il revient quand même former le groupe. Donc, c'est-à-dire, le gros, je pense que le mec a un peu un ego. Ouais, un melon énorme. Et puis, quand il a vu que ça marchait pas tout seul ou pas, il se dit, oh, bah, je vais revenir dans mon groupe. Enfin, je suppose un truc un peu dans ce genre-là. Parce qu'il a dû faire un milliard de trucs. Mais si tu regardes, c'est du vrai Doom dans le sens où la vidéo que j'ai mise, déjà, bah, en fait, c'est le groupe, j'ai galéré pour trouver une vidéo. C'est ce que j'avais marqué, mais j'ai vraiment galéré. Mm-hmm. Parce qu'en plus, il y a un autre groupe qui s'appelle The Warning, qui est un groupe qui fait plein de reprises avec des filles, et c'est des reprises genre de Metallica ou d'autres groupes, qui est vachement populaire, qui a énormément plus de résultats en vidéo que eux. Que oui, Warning. Ouais. Donc du coup, j'ai trouvé que des lives, ou des vidéos où tu peux écouter leurs chansons, mais t'sais, avec la photo de l'album et tout. Ouais. Et en fait, c'est du vrai Doom, où c'est, il se passe pas grand-chose quoi, sur scène. C'est alors, lourd, quoi. C'est lourd. Alors par contre, le premier album, moi, je l'ai trouvé pas désagréable. Je me suis pas fait chier. Alors que le deuxième, qui est censé être le plus influent des 25 dernières années, je l'ai trouvé beaucoup moins bon. Hein. Alors, vraiment moins bon. Beaucoup moins... Enfin, je l'ai trouvé moins intéressant. Voilà. Du coup, ça reste du Doom. Dans ce que ça a plus de Doom. On aime, on n'aime pas, c'est particulier. Je pense que c'est vraiment un style qui est plus facile à apprécier en live qu'en CD. Parce qu'il faut avoir envie d'écouter du Doom, quoi. Genre, tu te lèves le matin en disant, je l'écouterais bien, un bon vieux Doom. Allez, je vais me réveiller. Allez, je vais mettre la patate. Allez, un petit taillet de gueule. Voilà, c'est pas. Non, mais... C'est plus du sludge, le Doom. Le Doom pur, c'est vrai que c'est lourdingue. C'est un peu lourdingue. Mais par contre, en vrai, je recommande d'écouter. Ouais. Franchement, ouais, parce que c'était pas du tout. Voilà, parce que je trouvais ça amusant de noter que le mec était un petit peu branleur, quoi. Donc, Warning, je dirais la vallée. Ça va, tu te mouilles pas trop. Genre. Je piffe la vallée. Par contre, alors après, l'heure... Les mecs, ils peuvent passer à n'importe quelle heure. Bah, c'est un vieux groupe. J'ai aucune idée de la popularité aujourd'hui. Ça fait un peu groupe qui se reforme. Enfin, s'ils ont quand même... jouer leur album intégralité au Roadburn, donc c'est peut-être un groupe bien connu des gens qui écoutent le Doom. Je vais 16h30. Voilà. Voilà. Je serais plus sur un 16h05. Hein. Bob Mark 5. Je le note, on ne sait jamais. Il te reste un groupe, hein. Mais tu l'as pas marqué, ça me fait rire. T'as oublié un groupe. Ben non. En fait, t'en as oublié deux, en fait. T'en as un que tu devais réécouter de la dernière fois, et je te l'ai rappelé. Ouais. Ouais. Et t'as un groupe, là, dans... il t'en manque, hein. T'en as que 5. Ben non. Bah si. Ah, Deftones, putain. Ah. Isaac. Autant pour moi. Ben voilà. C'est parce qu'en fait, Deftones, je l'ai pas marqué, parce que je connais le groupe. Donc, du coup... Nous t'écoutons. Oh, bah, Deftones, qui ne connaît pas Deftones. Voilà, tout simplement. Hein. Bah, Deftones, quoi. C'est vrai que c'est des mecs, je les trouve plutôt discrets. Hein. C'est vrai, ils font pas beaucoup parler d'eux, quoi, ces mecs-là, mais ils tombent toujours aussi bien, hein, et ça passe toujours autant. J'ai principalement écouté les deux premiers albums, voire le troisième, je crois que c'était White Pony, le troisième, ouais. Si je me trompe pas. Après j'ai pas trop suivi, je crois qu'on a acheté l'avant-dernier ou le dernier, je ne sais plus. Yukawa Naino, avec I know Yukun, tout comme ça. Attends, c'était la huitième, c'était avec j'ai plus le titre. Je suis dessus. Il est coloré, il est noir, un fond noir avec plein de couleurs. Koi no Yokan. Ça doit être celui-là. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Que je trouve pas mal aussi, d'ailleurs. Mmh. Oui. Et ouais, non, ce Deftones, c'est une valeur sûre du métal américain. qu'est-ce que tu pourrais dire de particulier sur le groupe? Parce que moi, j'ai vraiment un truc avec Deftones. Tu vois, quand on... Je pense que c'est le meilleur groupe pour donner l'exemple d'un groupe qui n'a pas peur de tenter des trucs et d'aller vers des directions. Ah bah de... Ça, ouais, c'est sûr que... Il n'y a pas... entre eux, à part les deux premiers, vraiment, et le troisième, qui annonçait déjà un début de direction un peu différente, mais après, ils ont fait que des trucs, mais... Voilà, quand tu écoutes vraiment les deux les derniers albums et les premiers, tu vois que c'est plus du tout pareil, quoi. Ouais. Et je trouve ça... La manière qu'ils le font, c'est tellement respectable. Enfin, c'est un vrai groupe qui tente des choses, quoi. Mmh. Ouais, puis ils ont un son. Ouais. J'aime bien, ils ont vraiment un son bien particulier à eux, quoi. Mmh. Et le chanteur, ouais, pareil, a une voix très, très reconnaissable. Mmh. Comme tous ces groupes qui marquent, qui ont marqué les années 90. C'est vrai. Et qui marquent encore maintenant, un peu moins. Bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins maintenant, quoi, mais, ou peut-être que je m'intéresse moins à eux, mais... Ouais, je pense qu'ils sont quand même toujours très populaires, et surtout, ils sont toujours, toujours bien accueillis, en fait. Ouais. Il y a rarement de... Je les ai vus une fois, et franchement, bon souvenir. Quoi. Ouais, moi, ouais, bah, je les ai vus plus d'une fois, mais j'ai toujours été énorme énergie en live. Ouais. Mais tu sens que le chanteur, il a une envie de public, quoi. Oui, bah par contre, en fait, il a même un besoin addict, hein, je pense. Hein. C'est ouais. Vraiment... Moi, quand je l'avais vu au Download, c'est vraiment ce que j'avais ressenti, quoi. Il voulait vraiment le retour du public. Mmh. Et c'était beau et agréable, mais tu vois qu'ils sont... Voilà, c'est sa drogue. Ça, il est à cause, parce que putain, l'enfoiré, comme il a grossi avec le temps. Enfin, là, il a perdu un peu, mais il y a une période où il était vraiment bouffi. Ouais, c'est clair. Putain, c'est... Oh, la vache. Ouais. Donc, Deftones, un groupe que tu recommandes, alors? Complètement. Très, très bien. Tu le verrais où? Plutôt sous la vallée? Je le verrais bien dans mon garage. Oui. Plutôt sous la vallée, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais, sous la vallée. Bah non, forcément main stage. Ah, d'accord, c'est ce que j'avais marqué, tu vois. Ah, ouais. T'as pris du truc. Ouais. Un ou deux? Ah. Non, ça j'ai pas. Oui, un peu. Alors, pour l'heure... Je verrais bien 18h. C'est exactement ce que j'aurais dit aussi. Voilà. Au pré-apéro. Très bien. Bon bah écoute, voilà, on a fait le tour des groupes. Ouais. Je te propose un petit tirage au sort rapidement des prochains. Mais fais donc. Et après, comme ça, on arrêtera. Voilà. Parce que ça va faire déjà un bon moment qu'on... Ouais, 1h51. Bah, ah, c'est le retour. Ah bah ça, voilà. Faudra pas vous plaindre, hein. On peut pas c'est garantir... Ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un chacun ou les 6 d'un coup? Bah, un chacun. Un chacun, hein? Très bien. Est-ce que tu veux tourner la roue? Mm-hmm. Ah, attends, je t'explique. Alors, attends, déjà, je marque. On commence par c'est toi. Comme ça que tu avais fait la dernière fois? Ouais, bah oui. C'est parce qu'en même temps, normalement, ça garde en mémoire. Regarde, vas-y, tu regardes, ils sont cochés. Ouais. Donc, après, tu appuies sur suivant, au milieu, une fois. Donc, Exodus. Ouais, c'était moi, ça. Table crack. The good, the bad and the ugly. D'accord. Donc ça c'est pour... C'est pour toi. Alors on tire chacun les autres quand même. C'est ça. Good, the bad and the ugly. Je me demande si j'ai pas déjà écouté ça. Moi non, c'est sûr. À moi. Suivant de moi. De toute manière on mettra des clips. Hard on. Disons ça part bien. Ouais. D'ailleurs je comptais ça vite fait l'autre jour. À ce rythme-là de 6 groupes, on va les avoir vite torchés les 180. Ouais, ouais. Enfin, 150, pardon. Bad Religion, oh, cool. Ça, c'est bon, ça. Et moi, je me tape. Bien sûr, si on tape sur un autre qu'on a déjà sorti pour Incendiary, non, on l'a pas déjà sorti. Incendiary? Ouais. En deux mots? Non, en un seul mot, sinon c'est pas drôle. Bah. Du coup, si tu tombes sur un groupe qu'on a déjà eu, qui aurait été cité avant que je fasse toute la liste, ben on... Jonathan Davis. Ah bah, bonne chance pour écouter quelque chose. Bah oui, c'est compliqué. Hein. Ah bah, et, oh, tu te débrouilles. Je vais lui demander personnellement. Madball. Ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Jonathan Davis, ok. Tu le sens pas? Bah, Jonathan Davis. Écoute, d'ici là. Oula, Bunkum. Bunkum. Eh ben, moi, Bon, 1. C'est vrai. On sera 20. Ça se trouve, je vais être super. Ah oui, comme les ceux de cette semaine. Voilà, c'est ça. Chamache, pas mal. Chamache. Bah, je crois que tout à l'heure, chamache est bien. J'arrive même pas à l'écrire. J'arrive pas à l'écrire. C'est bon. Encore 2. Son of Apollo. Je préfère que ce soit toi que moi. J'avais pas ultra kiffé, moi, ce que j'avais écouté. Cataclysme. Ah, aucune idée. Et le petit der de chez der pour toi, mon ami. Mangarm. Eh, je peux te dire que là, on se fout pas de notre propre gueule. Bah non, c'est sûr. Et moi, j'ai Backyard Babies. Je vais écouter ça. Est-ce que je peux avoir un joker par rapport à Jonathan Davis? Ah oui, tu peux, oui. Tu peux. Parce que je me dis que si c'est la merde. Ouais, non, t'as raison. Bien joué. Exécuteur. Pourquoi pas? Écoute, est-ce que c'était un bon choix? Ouais. Bah écoutez, vous tous qui nous écoutez. Voilà. Bon, bah écoute, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Hein. Bah ouais. Bon, bah voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Ouais. Bon, c'est pas mal, 1h55. On arrête avant les 2h. Bah voilà. Bah écoutez, c'était la rentrée de Road to Hellfest. Dur rentrée. Franchement, ouais, dur. Franchement difficile, hein, mais faut le temps de se remettre dedans. C'est ça. Eh ben écoutez, on vous souhaite le mieux pour cette année 2018. En tout à fait. Que, tous nos voeux. Voilà. Des gros bisous. Voilà. Et puis plein de métal. Voilà, plein de métal. Du bon métal surtout. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des trucs à nous faire écouter. Nous, du bourbon, de la bière. Exactement. Bon, on vous laisse. À la semaine prochaine, normalement. Bah, oui. Pas de raison, c'est prévu. Oui. Du coup. Ouais. Et bien sûr. Tout à fait. Allez. Bonne soirée. Non, c'est pas ça que tu veux dire. Non, c'est pas ça. Allez. Tu peux le faire. On peut le faire. En même temps, à chaque fois, c'est une torture. Mais vas-y. On vous aime. Et on vous emmerde. Mais on vous aime. Quand même. Quand même. C'est important. Allez. Des bisous. Des bisous. Allez, au revoir à tous. Bonsoir. Donc là, on fait un signe de la main. On fait un signe de la main. Ouais, allez, petit dino. Oh. Ah ouais, je sais. C'est cool. Allez, au revoir. Bonne nuit. Bonjour. Bon café, bonne clope. Bonne bière. Non, mais c'est bon. 1h57, c'est bon, là. Bah oui, mais on avait dit avant les deux. Hein. Oui, donc, bah c'est pour on ça. On est bien. Non, mais arrête, allez. Un petit bon. Un petit quoi? Un petit bon. Non, c'est bon, j'ai plus rien, ça va. Avec tout ce qu'on a bouffé, regarde. Ça, ouais, c'est clair, ouais, quasiment. Mais tu remontes ça là, moi j'aime voir ça. Pareil. Allez. Fabrosaurus.